Fou 89.1 FM. 89.1 FM. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Le plan d'aujourd'hui, Assemblage Reiki. Gabriel Béhoud nous amènera dans les coulisses de la huître pour parler du camp de recrutement et du prochain match showcase. Et on survole le deuxième numéro de l'automne du journal Zone Campus. Assemblage Reiki tout de suite. Bonjour, bienvenue à l'Assemblage Reiki en ce mardi 22 septembre 2015. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. Salut, Tania. Ça va bien? Oui, très bien, toi? Bien oui, bien oui. Hey, tu sais, le matin, là, j'arrive genre pour préparer l'émission, tu sais... Assez flush, ouais, disons-le. Non, non, non, chez nous, je parle. Je la prépare chez nous, moi. Ah oui, oui, oui. Moi, la raison que j'arrive tard, c'est que je la prépare chez nous, ça. OK. Mais l'idée, c'est que ce matin, je n'avais pas Internet. Oh, misère. Ça commence mal l'émission. Plutôt. Mais habituellement, c'est au studio qu'on n'a pas Internet. Je sais pas si tu as déjà remarqué ça. Non. Souvent, on n'a pas Internet au studio. Donc, ça cause problème. Ouais, mais ce matin, on l'a, on est correct. On va s'en faire une bonne émission. Au moins. Ben oui. On a tout plein de choses à faire pour vous en ce mardi matin. Comme toujours, le mardi, on va recevoir Gabriel Béhoud, mais à une heure spéciale, à 8h30 au lieu de 9h cette semaine. Il va nous parler du camp de recrutement qui avait lieu hier et qui continue ce soir au Michel Sarrazin. C'est vrai. C'est à Rodolphe Mathieu. On va essayer de trouver les nouveaux joueurs de la Ligue universitaire d'improvisation de Trois-Rivières. Non, ça sera pas à 8h30. À 9h, la collègue Zone Campus, on a dit au revoir à Myriam Lortie la semaine passée. Et les nouveaux n'arrivent pas avant le prochain numéro. Donc, on est dans le néant entre les deux. Et c'est nous deux qui allons faire la collègue Zone Campus. Ben oui, parce qu'on travaille quand même sur le Zone Campus, oui. Hein, on doit dire. Tu vas à la pub, je le place. On sait ce qu'on fait, là. On sait ce qu'on fait. Du moins, on essaye. On connaît pas les sujets en profondeur, mais on peut vous les mentionner quand même. Donc, on va faire ça à 9h. Dans l'émission, on a aussi la collègue quotidienne de Tania. Baudin. Oui. Et de quoi tu nous parles aujourd'hui? Je vous parle de deux émissions différentes, complètement différentes. Je ne veux pas vraiment trop en dire parce que j'ai l'impression que je vais peut-être spoiler plein d'affaires. Mais non, en fait, peut-être qu'une des deux émissions aura rapport avec le carré de Sator. Le Sator d'hier, Ben oui. Le palindrome, c'était à quel pays, je me rappelle? Au Pérou, je pense, non? C'est ça, Pérou? C'était pas quelque part proche de l'Égypte. Ça se peut, il me semble. Ouais. Mais c'était un carré avec des lettres qui se lisaient dans tous les sens. C'est ça, puis c'était en latin, puis tout ça. Fait que j'ai trouvé le lien facile à faire. Ah, OK. Et en plus, c'est écrit en turquoise sur ta feuille avec un crayon vraiment bleu flash. Fait que ça m'attire déjà. Ben oui, ouais. Pas le choix. Donc, la collègue de Tania tout à l'heure. On va débuter en parlant de publicité, de marketing dans quelques instants. Mais avant ça, on commence en musique avec une pièce de Teen Days que tu nous as choisie, n'est-ce pas? Oui, c'est Infinity. Assemblage Reiki, pour toujours et à jamais. Time. C'était l'éléphant s'évapore. De qui déjà? De l'éléphant s'évapore des incendiaires. C'est exactement ça, le feu pogné. Le feu pogné. Le feu pogné des ordinateurs. Ordinateurs. Ça va très bien. Tout va très bien. Internet fonctionne dans le studio. C'est juste que le site ne veut pas se charger assez rapidement pour que je puisse faire mes affaires. Fait que je l'ai fait de l'autre bord, mais j'ai besoin de temps encore un petit peu. Fait qu'on remet ça plus tard. Ben ça a oui. l'air fou, mais c'est de même pareil. Mais non, mais on n'a pas le choix. T'sais. On fait avec ce qu'on a. C'est exactement c'est ce qu'ils disent. C'est exactement ça. Il est fin, l'ordinateur. Moi, je trouve qu'il va bien en studio maintenant, l'ordinateur. Ben oui. On peut plus chialer comme on chialait l'année passée. Il va mieux qu'y aller. Je sais pas, j'étais pas là. Mais voilà. Mais, à un moment donné, il y a toujours un petit problème à quelque part. Ben oui. T'sais, c'est pas un Mac quand même. Non. C'est pas un iPhone. Non plus. J'ai déjà fait l'émission sur iPhone. Ah ouais? T'as déjà fait ça? On n'avait pas Internet en studio un jour, à un moment donné. Puis j'ouvrais mes faits. C'est la chronique, c'est un fait. C'est la chronique où il y a comme combien de faits? Genre 60, genre, mettons. Par chronique, mettons. Fait que je les ouvrais un par un dans des nouveaux onglets. Plou, plou, plou, plou, plou. C'était le fun. Wow! Ah ouais, le bon temps. Comme on ça ouais, ça devait vraiment être très, très, très, très plaisant à faire. C'était technologiquement avancé, tu sais. Donc, tantôt, on va parler publicité. Il va nous rester quoi, 10 minutes pour le faire avec le temps qu'on gobe en début d'émission comme ça à niaiser, à rien faire. Ben oui. Mais bon. On devrait être prêt pour le prochain bloc. Mm-hmm. Je pense. C'est pas mal ça. Moi aussi. Ouais, ouais, on se fait confiance l'un l'autre. Ben oui, on se fait tout à fait confiance. Et on est là pour se remonter, tu sais. On n'est pas là pour se détruire. Non, hey, ton cuir, s'est déplacé de tes épaules l'autre fois à tes shorts, à tes bras, là, tes avant-bras, ton cuir. Hein. Ouais, faut croire que j'aime bien le cuir. Je pense que t'aimes le cuir. Je savais en plus, ce matin, ouais, en mettant ce gilet-là, je me suis dit, ah, c'est clair que Mathieu va faire une remarque sur le fait que mes manches sont en cuir. Ben, c'est que les deux dernières fois que t'avais du cuir, je l'ai mentionné, ça. C'est voilà. Parce qu'on voit rarement ça, tu sais, dans les vêtements, mais je trouve ça super beau. Ben, on voit rarement ça dans les vêtements pour hommes. C'est vrai. Dans les vêtements pour femmes, on le voit de plus en plus. C'est vrai. Mais mon étui d'iPhone est en cuir, ça fait que je peux comprendre pourquoi t'aimes la sensation. Ben, c'est pas que j'aime tant la sensation, je pense que j'aime plus le look, l'apparence. Le look, et voilà l'apparence que ça donne. Success. C'est juste une petite douche, puis c'est pas trop. C'est ça. Donc, écoutons autre chose que du cuir. On s'en va entendre Yukon Blonde. T'as déjà été blonde? J'ai déjà été blonde, je suis blonde naturelle. Oui, ça j'ai de la vraie. J'ai de la difficulté à croire ça. Je peux pas croire. Je te montrerai des photos hors onde. Tu vas voir, je suis blonde naturelle. Vous irez voir Tania Baudet a une page de fan, là, tellement big shot là, qu'elle a une page de fan. Là, que vous pouvez aller voir ses photos. C'est pas comme si on parlait d'elle, de son apparence, puis que vous n'avez pas le droit de regarder. Non, et voilà, vous pouvez aller liker pas. la page publique. On touche pas, mais on peut regarder. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'ils disent. Donc, You Got Blonde, on s'en va entendre Saturday Night. Puis, c'est ça, on se brasse le pompatin. Là-dessus. Ça va? Ah, ouais, c'est déjà commencé pour ça. Mais elle se brasse le pompatin sur les retours de pause qui sont super relax, le fait. Toutes les raisons sont bonnes. Tout le temps. Let me dive in the waters around. savais que t'étais menteuse, Tania Baudin. Je suis pas menteuse, c'est tout à fait blonde. T'es pas blonde, t'étais châtaine. C'est pas ma affaire. OK, mais ça, c'est pris en hiver, là, exemple, dans les photos d'école primaire. Parce qu'en fait, si vous savez pas, la photo a été publiée sur mon Facebook. Je vais essayer de la publier sur Assemblage Ricky. Okay. Je viens de l'essayer, mais ça fonctionnait non, pas. Non, parce que ta photo n'est pas publique en tant que telle. Mais je viens de la mettre publique. Okay. Peut-être que ça va changer dans quelques instants. Mais tout ça pour dire que ça a été pris en hiver. Donc oui, j'étais châtaine, mais du moment que c'était l'été, j'étais blonde blanche. Ah ouais? Ouais. Je veux voir ça. Allez, donc Tania Baudin. Mais ça arrive plus parce que j'ai commencé à me teindre les cheveux quand même assez jeune. De toutes les couleurs du monde, mais pas en même temps. Pas bleu. Pas bleu? J'ai pas eu bleu. Est-ce que tu vas le faire? Non, je penserais pas. Est-ce que tu teins les sourcils bleus si tu fais ça? Non plus. Non? J'ai pas le goût d'avoir l'air d'une schtroumpfette. Et cute, la schtroumpfette parle pas content. Allez, cheveux blonds. C'est vrai ça. Donc, ton analogie n'a pas vraiment rapport. Tout ça pour dire que Mathieu Plante avait tort. Ah, peut-être. Mais blond, c'est pas chiant. Bon. Donc, tu ne m'as pas montré la photo. C'est le moment de parler. Justement, comme dans notre intro. Dans notre intro du Black Pub, à la fin, c'est Jojo Savard. Ah oui? Qui est blonde. Ah, ben oui. Fait que c'est le Black Pub. Voilà. Venez au beau marché. Oui, papa. Tout le monde aime. Je préfère le goût de I love you and I kiss you. 4,99 la minute. Ah, merci Jojo. Ah. Merci Jojo, ça va? Merci beaucoup. Donc, c'est le Black Pub où on parle de marketing, d'idées qui font vendre des produits, des choses, des gens, peu importe. Là, on parle pas nécessairement de publicité virale. On commence avec le plus grand selfie du monde. C'est quand même fou, ça. T'aimes ça, les selfies? Ben ouais, tu sais, je suis pas une reine des selfies, malgré ce que certaines personnes pourraient penser. Ce que t'en as l'air, ouais, c'est ça. Non, j'avoue que t'en prends juste une max par jour, avec un café. Oui, la plupart du temps. C'est ça. Mais ça, c'est ça. Est-ce que les Snapchat comptent pour des selfies? Ben, je pense que oui. Tu prends une photo de toi avec Mais tu sais, exemple que je reçois un Snapchat puis quelqu'un s'est Snapchaté la face. Ouais. Je vais répondre en Snapchatant ma face. Ben, c'est un selfie, ça. OK, bon, mais... Okay. Moi, j'aimerais mettre quelque chose au clair, là. Je sais que c'est super évident, là. Mais, tu sais, salut, bonjour, puis les autres, là. Quand ils montrent des photos de gens, de politiciens ou peu importe, entourés de deux personnes, mettons, puis qui sont clairement de loin, prises en photo, puis qui appellent ça un selfie, là. Ben, c'est pas vraiment un selfie. C'est une photo. Un selfie, c'est pris avec ta propre main. Self, ouais, c'est soi-même. Ça. Allô? En tout cas. C'est toi-même qui l'a pris, cette photo-là. Donc, Tourisme Australie a lancé Giga Selfie, une initiative qui s'inscrit dans la campagne There's Nothing Like Australia, il n'y a rien comme l'Australie. Cette initiative vise les touristes japonais qui totalisent plus de 320 000 visiteurs par an en Australie ces dernières années. La vidéo promotionnelle compte la présence de Ren Ishikawa, une mannequin et personnalité japonaise. Giga Selfie permet de prendre des autophotos, des autoportraits, depuis de longues distances jusqu'à 110 mètres grâce à une application connectée à un puissant appareil photo. Pour ce faire, les touristes doivent se tenir à un endroit précis puis prendre la photo par l'application. Le résultat donne une selfie qui s'éloigne petit à petit et laisse apparaître le paysage entourant les touristes. La vidéo photo est ensuite envoyée sur le courriel de l'utilisateur. Évidemment, c'est un selfie parce que c'est vous qui avez le contrôle de la prise de la photo. Oui. Même si vous n'avez pas votre doigt sur un bouton, ça compte comme un selfie quand même, je pense. Est-ce que tu as vu le résultat final? Oui. Ils sont quand même assez très loin de l'objectif. Très, très, très, très, très, très, très, très, très loin. Imagine la qualité du zoom. Ah, j'avoue, hein? C'est quoi? C'est un satellite de la NASA? Je sais pas parce que les images sont vraiment très claires. C'est vraiment beau. Et on peut zoomer, dézoomer sur la photo. En tout cas, il n'y a pas le gadget pour zoomer dessus, mais j'imagine que c'est dans l'application qu'on peut le faire. On voit le plan rapproché, le plan moyen et le plan éloigné dans l'article sur assemblagerequis.com. J'imagine. Des zones médias interactives dans les cinémas Cinéplex au Québec m'intéresse pas mal. Les cinémas Cinéplex de Québec et de Montréal se dotent de zones médias interactives. Concrètement, les clients peuvent consulter du contenu et participer sur d'immenses écrans tactiles personnalisables, immunis de technologies de manipulation de contenu à l'écran et de connectivité aux réseaux sociaux. Ces écrans réagissent au toucher et au mouvement, en plus de capter les images et les données des participants. Grâce aux ondes médias interactives numériques installées dans deux cinémas Cinéplex de Toronto, les Blue Jays ont fait vivre une expérience de baseball interactive ce printemps, conçue pour faire vivre l'ambiance d'un match et favoriser le partage sur les réseaux sociaux afin de stimuler la vente de billets. Les écrans de 2,13 mètres, ça c'est 84 pouces. T'imagines comment mon salon aurait l'air, je sais pas, rempli. Ouais, mettons. de ces zones offraient aux amateurs diverses expériences interactives qui leur donnaient l'impression de faire partie de l'équipe. Les participants ont pu créer leur propre carte de joueur qui leur a été transmise instantanément par SMS ou courriel avec un lien pour acheter des billets. Évidemment, c'est du marketing quand même. Ben oui. Ils ont également pu regarder une vidéo des meilleurs moments des Blue Jays et essayer de frapper virtuellement la fameuse balle papillon du lanceur R.A. Dickey. C'est disponible dans 45 emplacements au Canada. Les ondes médias interactives s'invitent dans 8 cinémas de Montréal et de Québec. Et vous pouvez voir la liste sur assemblagerequis.com. Ensuite, un homme qui détestait voir autant de pubs de Geico à la télé en a mis 300 dans une seule vidéo. Est-ce que si t'écoutes la télé américaine, une fois de temps en temps, t'as vu les publicités de Geico avec le petit gecko? Là? Ça me dit quelque chose. C'est un petit genre, une petite bête là, qui a un accent britannique, là, puis c'est super cute. Puis bref, il y en a plein à la télé. Ça joue tout le temps. On dirait qu'il en enregistre plusieurs centaines par année, puis il garde en rotation pour le reste de la vie. Puis ça fait qu'il y en a des milliers. Puis c'est le fun, au moins, ça donne une diversité. C'est comme taper trois pubs d'assemblage requis. Il y en a qui chialent, mais ça va. Ça met de la variété. certains disent donc. On s'excuse pour vos oreilles sur celle-là. Mais on l'a trouvé très drôle. Moi, j'aime bien ça. Donc, certains trouvent que Geico est en pleine période de créativité depuis des dizaines d'années. Leur très populaire publicité comme Hump Day, des publicités qui ont gagné des prix à Cannes, mm-hmm. pas au Cannes. Donc, Dominic Nero ne fait pas partie des fans de la marque. En fait, il est vraiment tanné de voir des publicités de Geico à chaque 3 minutes à la télé, surtout quand t'écoutes les talk shows de jour à la Maury Povich. Ça joue tout le temps. Donc, producteur vidéo chez Magnalox Pictures se bat contre Geico. Pour manifester, il a créé une sursaturation. Je pense que saturation veut déjà dire qu'il y en a trop, mais une sursaturation, c'est extrême comme situation. Non. Donc, Nero a édité, a fait un montage de 300 publicités ensemble qui s'appelle Every Fucking Geico Ad Played at Once. Chaque publicité ennuyante, fatigante de Geico jouée en même temps. C'est une production majestueuse. Il y a plus de 300 vidéos, même pas juste 300. Et c'est seulement une fraction de ce que Geico a fait pendant, à travers les années. La plupart des publicités avant 2010 ne sont plus trouvables en ligne. Ah, ouais. Malheureusement, donc c'est des vidéos plus récentes. On va écouter un extrait de ce que ça donne les 300 pubs de Geico ensemble. Could switching to Geico really save you 15% or more? Est-ce que magasiner chez Geico pourrait vous économiser 15% de plus sur l'assurance de votre voiture? Vous voyez qu'on entend dire plus fort que l'autre. Ouais. On va avancer un petit peu. Mais tu vois que les publicités qui avaient de la musique dessus, il y en avait peut-être un petit peu moins, c'est qu'on entend la musique de celle qui en avait, tu sais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais ce que je trouve étrange, genre, tu vois, moi, de mon côté, c'est que je vois pas la vidéo, j'ai seulement l'audio. Ah, pour vrai? Oh, écoute ça, le slogan est tout le temps à la même place dans la pub. On y arrive. Geico, 15 minutes pourrait vous économiser 15% en plus sur l'assurance de votre voiture. Eh ben oui. C'est beau, hein? Bon, voilà, c'était la publicité de Geico 300 en même temps. Toujours dans le bloc pub, continuons avec un autre article sur Whedon and Kennedy qui raconte l'histoire de l'Internet au complet en une seule publicité imprimée. Ça fait partie d'un appel pour les prix Webbies. Donc, c'est un texte HTML, un peu genre vraiment en texte de base. Là. Okay. C'est comme dans les vieux ordinateurs. Oui, ben, sur le vieil Internet. Mettons, quand t'allais sur Internet, souvent les liens étaient dans cette police-là. C'est vrai. Très carré, bleu. Donc, c'est ça, mais c'était imprimé tout ça. Et c'est un texte très, très long qui raconte l'histoire d'Internet. Par exemple, bon, Matt Damon, un gars qui a mis 30 paquets de Mentos attachés sur lui et qui est plongé dans de la liqueur. Blablabla, Michaela était pas impressionnée, tu sais, aux Olympiques, la face de Michaela qui était pas impressionnée. Donc, ça continue comme ça et ça raconte plein de phrases d'Internet. C'est pour donc les 20e Webby Awards, distribution de prix sur Internet. Donc, l'organisateur, The International Academy of Digital Arts and Sciences, a demandé à 20 gagnants de Webby de créer leur propre version. Donc, inspiré par le thème « L'Internet ne peut être arrêté, The Internet can't be stopped ». Donc, Whedon and Kennedy, le NASA's Jet Propulsion Laboratory, Big Spaceship et plusieurs autres, Facebook, entre autres, National Geographic, Pitchfork, sont certaines compagnies qui ont participé. Et vous pouvez aller voir les soumissions sur assemblagerequis.com, entre autres celle de Whedon and Kennedy, qui était vraiment le texte très, très long. Ça fait une page de journal et dans le coin de The Webby Awards. C'est cool. J'aime bien celle de la NASA Jet Propulsion. Tu la décrirais comment? Laboratory. C'est un peu un code HTML en haut qui dit ouvre un lien, the internet can be stopped, on ferme le lien. Ensuite, on dirait que c'est peut-être des... Saturne. On dirait les anneaux de Saturne, peut-être, ouais, dans un fond brouillé, un petit peu foncé. Et par-dessus, tu as une lentille qui, je ne sais pas si ça représente ton œil. Je ou, sais pas. Ou Internet. Ça. Ou Internet, peut-être. Sinon, ben il y en a d'autres. Ça, c'est quoi, ça, celle-là? Le dernier en bas. C'est Big Spaceship, que je connais pas trop. Et ouais, ça dit, l'Internet ne peut être arrêté. C'est un gars que son corps, et sa tête, en fait, est séparée. Sa peau est enlevée. On voit son crâne en dessous parce que l'Internet lui a foncé dedans, son. C'est ça, tu penses? Je pense. L'autoroute de l'information lui a enlevé la peau tellement c'est hot. Ah, peut-être. Ou sinon, qu'est-ce que tu dirais, toi? Je sais vraiment pas parce qu'il y a comme des ondes qui sortent de l'écran. Ah ah! C'est peut-être la radioactivité de vos écrans d'ordinateur. Peut-être. Et donc, c'est pour appeler les gens à participer à ce concours des Webby Awards. Ensuite, on reste dans le code HTML. C'est du HTML caché contre la violence domestique. Ouais. Donc, au Pérou, 4 femmes sur 10 entre 15 et 49 ans souffrent de violences domestiques et seulement 40% de celles-là vont aller chercher de l'aide. Donc, pour rappeler aux gens que la violence peut être cachée derrière des choses qui ont l'air correctes, l'Organisation de défense de la femme, Demus et Loyaku, ont produit une série de courriels qui ont l'air très, très heureux, envoyés à plusieurs utilisateurs. Mais quand les personnes recevaient le courriel et mettaient leur curseur de souris sur les mots surlignés, les phrases changeaient. Oh! Cachées en HTML. Donc, par exemple, tu avais un courriel qui dit « Bon, tu ne l'as toujours pas rencontré. Tu vas devoir le faire un jour. Il est tellement gentil et souciant, un homme parfait, blablabla. » Et quand tu passes sur genre gentil, tu sais, souciant, etc. Ouais, c'est comme... Ça dit « Instable et jaloux » en petite bulle. C'est un peu épeurant, hein? Ouais. Ouais. Donc, c'est quand même assez simple, mais très, très poignant, comme nous dit l'article de Adweek.com. Ça prend quelque chose d'heureux et ça vous montre comment derrière une face, un visage heureux peut être caché une personne malheureuse. Il y a une petite vidéo qui vous montre comment ils ont fait ça, mais c'est un peu long pour rien. Donc, c'est ça que j'étais en train de regarder, en fait. Est-ce que ça ajoute quelque chose? Mais c'est très long avant que ça commence. Bon. Tu sais, raconte ce que tu viens de raconter, c'est mettons. Ça, en image. Hein. Puis là, il montre un extrait, là, comme... Allez voir sur assemblagerequis.com. Oui. Ensuite, tiens, c'est une offre d'emploi, une parodie d'offre d'emploi qui a attiré pas mal de candidats, en fait. C'est okay. Virgin Atlantic Airways qui a inventé un nouveau rôle imaginaire qui est le Freelance Flyer Premium Economy et a posté ça comme opportunité d'emploi sur LinkedIn. Donc, Freelance Flyer, c'est un peu genre un voleur en avion pigiste en économie premium. Donc, c'est une fausse offre d'emploi, une façon de promouvoir un concours pour gagner des vols gratuits à Londres à partir de n'importe quelle de 12, en fait, villes américaines que la compagnie aérienne dessert, si on veut. Donc, la publicité demandait aux candidats d'expliquer en 1500 caractères ou moins pourquoi Virgin Atlantic devrait payer la facture de leur prochain voyage d'affaires à Londres. Jusqu'à maintenant, 66 personnes ont appliqué pour la position, entre guillemets. La publicité pose des questions comme « Est-ce que tu cherches une position avec une mobilité garantie vers le haut? » Genre, est-ce que tu veux un poste qui va te faire monter dans les échelons? Mais tu sais, c'est un jeu de mots pour dire qu'il va te faire monter vers le haut comme en avion, si on veut. « Accepteriez-vous une position près d'une fenêtre? » Ouais. Tu sais, comme dans un avion, t'aurais une fenêtre. Hein? Donc, les responsabilités associées avec le rôle étaient, entre autres, s'assurer que les tables soient toujours en position droite, comme on te demande quand t'es en avion, de remettre les positions des tables droites, je dirais, remettre le siège à sa position habituelle. Donc, la publicité était ciblée envers les voyageurs d'affaires, encourageant les personnes qui appliquent à dire pourquoi une visite à Londres pourrait avoir un impact positif sur une relation avec leurs clients, pour amener de nouveaux investisseurs, des choses comme ça. Donc, ils vont choisir un gagnant par semaine pour les 6 prochaines semaines. Ça, c'est de la part de Virgin Galactic de faire passer ça comme une opportunité d'emploi, alors que c'est dans le fond un concours. Même LinkedIn ne peut pas être à l'épreuve de la publicité. Mais en plus, il y a eu comme une histoire là, avec Virgin Airways, c'est cette semaine, je crois. Okay. Il y avait trois acteurs, trois gens connus. Je cherche l'article, en fait, que j'avais trouvé, qui disait qu'ils ont tout simplement... L'avion a rentré dans un mur. Hein? Ouais. Puis là, ça a pris Twitter d'assaut parce que c'était des célébrités qui étaient dans l'avion ont dit que Virgin Airways, finalement, c'était de la merde. Ben voyons donc, c'est pas parce qu'un avion fait quelque chose que la ligne aérienne est de la merde. C'est tout des mieux cotés, là, je veux dire. T'imagines la mauvaise publicité que ça donne à Virgin Airways c'est après clair. Ça? C'est clair, mais après ça, je veux dire, chaque ligne aérienne a eu au moins un accident d'avion, un crash éventuellement dans sa carrière. Ouais, c'est ça. L'image en tant que telle va, j'imagine, en revenir. Mais tu sais, ça a vraiment fait le tour de Twitter rapidement, mettons, ça a l'air. Ouais. Eh bien, dans un tout autre ordre d'idée, Tania, Match.pork, c'est la compagnie Oscar Mayer qui lance une application de dating, mais par rapport au bacon qui s'appelle Sizzle. Hein, t'as besoin de bacon dans ta vie, Tania? On a besoin, toi et moi, de bacon? Toujours? Ben oui, toujours plus. Tout le temps. Qui ne veut pas de bacon. Donc, Oscar Mayer a une application pour ça qui s'appelle Sizzle et la marque a dit que c'est la première application de dating pour les amoureux du bacon. L'application est disponible gratuitement sur iTunes. Il y a des Américains à trouver leur âme sœur du bacon, selon la compagnie qui est une propriété de Kraft Heinz. Sizzle permet aux gens de spécifier leur préférence en bacon dans un profil personnalisable, téléverser des photos et commencer à regarder les profils des autres amoureux de bacon dans leur localité. On a la possibilité d'envoyer des messages, de se rencontrer avec un système de matchage de bacon. Application qui a des publicités numériques, mais contrairement à ses précédentes cascades à Oscar Mayer, entre autres le cadeau de la fête des pères qui était du bacon, on en avait parlé dans une précédente chronique. Sizzle mérite quand même assez de yeux sur les réseaux sociaux. Les agences pour la campagne sont 360i et Olsen et Starcom. Voilà. J'ai trouvé l'article en question. Est-ce que tu veux parle-moi. Bien, en fait, ce sont deux acteurs et une mannequin. Top modèle mannequin. Exactement. Alors, c'est Bella Thorne de Disney. Oui. Avec son cher petit copain Greg Sulkin et la modèle Bella Hadid. En fait, ils étaient en avion pour se rendre à la London Fashion Week. Et là, c'est là que je dis que ça a pris d'assaut Twitter parce qu'eux et 276 autres passagers ont constaté qu'ils venaient de frapper un mur de clôture en partant de JFK. OK, donc il n'y a pas eu d'accident majeur. C'est ça, il n'y a pas personne qui a été en fait blessé ou quoi que ce soit. Par contre, Bella Thorne, qui est une actrice de Disney, a pris d'assaut Twitter en disant « This is the worst airlines in the history of airlines. Yeah. » Puis là, elle tag Virgin Atlantic Airways « And I would strongly suggest that you never ever fly with them. » La pire ligne aérienne, et je vous conseillerais fortement de jamais voler avec eux. Mais je dirais, moi, « The worst pilot? The worst drunk pilot, maybe? I don't know. » Mais ils étaient tous frustrés. En fait, les 276 passagers et eux ont été frustrés parce que lorsqu'ils sont sortis de l'avion en question, ils les ont juste laissés partir. Ils n'ont rien dit à personne. Ah ouais. Puis ils ont refusé de se faire de rembourser en fait tous les gens qui étaient dans l'avion. Mais je comprends pas pourquoi tu voudrais te faire rembourser quand tu es arrivé pas blessé à London. T'es arrivé en tant que tel, ton voyage. T'es arrivé, puis tu sais, comme... Ils ont fait leur part de la chose. Ils sont juste allés plus loin encore, jusque dans la clôture. C'est ça. Ils sont allés au-delà du devoir. Exactement. Bon, ben voilà pour cette section du bloc pub. Merci, Tania. Ça fait plaisir. Les ajouts. Au retour, en fait, les liens sur assemblagerequis.com. Ben oui. Au retour, c'est la collègue de Tania Baudin. Assemblage Requis, restez là. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Bon retour, c'est toujours à Assemblage Reiki en ce mardi 22 septembre 2015. C'est Tania Baudin. Yeah, avec Mathieu Plante. Hey, t'as l'air d'avoir une phase de... T'as pas trop savoir si c'est bon ce que je dis. C'est vrai, j'ai dit la bonne affaire? Ben oui, tout à fait. Ah, on est bien mardi. Ah, je fais tout le temps des faces bizarres. C'est vrai. Quand on me voit pas. Mais moi aussi, j'ai des faces bizarres. On dirait que j'ai comme un visage expressif. Mais c'est parce qu'on est à la radio, hein. Fait que les gens ne nous voient pas. Fait qu'on se permet de faire des faces bizarres. C'est important. Tout à fait. Donc, c'est le moment, tant attendu, comme à chaque matin, de se faire divertir par Tania Baudin! Yeah! C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tania! And she's gonna entertain ya! La la la la la la la, oui oui oui oui oui oui oui oui! And she's gonna entertain ya! Salut Tania! Hey, salut Mathieu! On a un petit peu perdu le fil, on dirait qu'on a comme fait dans une clôture comme un avion. Hey, comme un avion! De Virgin Atlantic Airlines. Donc Tania, tu nous parles d'un sujet diversifié comme toujours, on sait jamais à quoi s'attendre. Surprise me, please! Jamais, parce qu'en temps normal, je sais jamais de quoi je vais parler non plus. Ah voilà! Non, là, tu c'est le prépares pas le matin même, c'est pour ça. C'est pour ça. Non, mais je me donne tout le temps une bonne idée la veille de ce dont je pourrais parler. Hier, en fait, on s'est parlé, toi et moi, durant la soirée, à savoir sur quoi je pouvais faire ma chronique. On se parle hors ronde. C'est la première fois qu'un co-animateur ou une connaîtresse me parle hors ronde. Je me sens privilégié. Non, mais en fait, je préparais ma chronique d'aujourd'hui en me disant « Ah, je pourrais parler de cette émission-là. » Non. On ne parle pas de ça au 89 FM. Peut-être une autre fois. Là. Peut-être une autre fois. On verra. Là, on cache les affaires à nos auditeurs. Ouais, okay. C'est ça. Mais c'est pas grave parce que je parle quand même de deux émissions. C'est deux émissions que j'ai découvertes et que j'ai vraiment le goût de vous faire découvrir aussi. La première étant déjà passée à la télévision, la deuxième, j'ai l'impression que vous me voyez venir, mais la deuxième, la première émission, en fait, était hier soir. OK, oh. Attention, spoiler alert. Non, c'est pas vrai. Je vais tenter du mieux que je peux de ne pas vous dévoiler tout ce qui s'est passé dans l'émission. S'il te plaît. Malgré la demande que j'ai eue sur Facebook ce matin de dévoiler les 20 dernières minutes de l'émission parce que quelqu'un s'était endormi en écoutant. Hey, Colin, va t'en procurer ailleurs. Fais quelque chose. Pas en ondes, tous les requins ne veulent pas savoir ça. Là. C'est ça. Alors, je vais commencer. Matt, tantôt, je te parlais du carré de Sator. Oui, on rappelle, ça c'est un carré en latin où il y avait des lettres dans une grille et les mots pouvaient se lire de la gauche à la droite, de la droite à la gauche, de haut en bas et de bas en haut. C'était le carré de Sator. Et voilà. Ouais. Et là... voyons voir si ça peut avoir un lien, en fait, avec ce avec quoi je m'en viens. Comment pourrais-je? Parce qu'en fait, je vous parle de l'émission, de la mini-série plutôt, parce que c'est pas vraiment une émission, c'est vraiment une mini-série toute. Toute. Mais écrite... Ah, toute comme T.U.T., comme tout en camon. Ça? Wow! Ah! Hey! Oh! T'es en feu! Est-ce que tu connais la mini-série? Non, je connais tout en camon, c'est tout. Avoue qu'il y a un lien avec le carré de Sator. Il y a un carré de Sator là-dedans. Bon. Alors, pour vous, chers auditeurs, qu'est-ce que toute la série? Bien, c'est une mini-série de 3 épisodes de 90 minutes. Donc, ça a été fait sur une formule tout à fait différente de ce que l'on voit en temps habituel sur la chaîne Spike.tv. Moi, j'avais jamais entendu parler de Spike.tv. Est-ce que toi, tu avais déjà entendu parler de ça? En fait, oui, parce que Spike était avant, là, au début de son histoire, c'était The Nashville Network. OK. C'est une chaîne country que tu aurais bien aimé. Puis ça a graduellement devenu une chaîne pour hommes pendant un bout de temps qui était Spike TV. Puis là, à un moment donné, c'est devenu juste Spike. Okay. Puis là, leur site web, c'est Spike.tv. Puis ils ont changé d'image, puis ils ont changé de logo. Mais en tant que tel, c'était The Nashville Network. Ça a été une chaîne pour hommes avec des émissions super macho et des Playboy Playmates tout le temps. Et là, maintenant, ils font des mini-séries sur Toutankhamon. Ouais. Ils cherchent un peu, là, tu sais. Alors, c'est une mini-série dramatique et historique à la fois. Et c'est pour ça que je me suis dit que je pourrais vous la faire découvrir parce que c'est une des choses que j'ai aimées par rapport à ça. J'aime le genre d'émissions qui te font découvrir des choses qui se sont réellement passées, mais avec une touche quand même, on peut le dire, là, hollywoodienne un petit peu. Romancée, peut-être. Ouais, romancée. Voilà, j'aime bien ce que tu en... J'ai tellement un vocabulaire extrêmement diversifié. C'est fou. 89 ans. Et Mathieu, je me suis dit que tu allais aimer ça parce que en fait, la semaine passée, tu nous disais que tu aimais les sitcoms style Disney, style Nickelodeon. Devant public, genre. Alors peut-être, avec cette information, décideras-tu d'aller écouter les 3 épisodes de la mini-série parce que... roulement de tambour, plutôt... Avan Jaja joue dedans. Le gars de Victorious. Le gars qui a joué dans Victorious. Avec les cheveux longs puis qui était donc le fun, ce gars-là. Qui a l'air tout à fait d'un Égyptien, quand même. En effet, il l'est pas. Je ne crois pas qu'il soit Égyptien. Je crois qu'il est un petit peu marocain. Ouais. Donc, en fait, Avan Jaja, qui est un acteur qui a, comme le dit Mathieu, qui a joué dans l'émission Victorious de Nickelodeon, mais aussi l'émission qui était de style un petit peu suspense twisted, qui était aussi pour les adolescents. Tout à fait. Alors, Avan Jaja qui joue le rôle de Toutankhamon. Il y a aussi Ben Kingsley, qui est un acteur, pas américain, pardon, mais londonien. Anglais, ouais. Anglais. Il y a un visage très sérieux. Très, très, très connu. J'ai cherché qui était Ben Kingsley un petit peu ce matin et à voir son curriculum vitae. Je me suis dit que je n'aurais pas assez de temps pour tout énumérer ce matin. Et il y a aussi Kylie Bunbury. Est-ce que tu connais Kylie Bunbury? Non. Est-ce que je voudrais la connaître? Tu voudrais, d'après moi, la connaître parce qu'elle est très jolie en passant. C'est une actrice canadienne qui a joué dans Twisted et dans Under the Dome en 2015 aussi, qui joue dans l'émission avec Avan Jaja. Donc déjà, elle connaissait son partenaire de jeu qui est Avan Jaja parce qu'ils ont joué ensemble dans Twisted. Alors, je vous explique un peu qu'est-ce qu'il y en est. C'est quoi cette mini-série de 90 minutes de 3 épisodes? Eh bien, je viens de le dire, c'est l'histoire du roi Toutankhamon, qui est l'histoire du pharaon le plus jeune de l'histoire égyptienne. Et... allez voir sur IMDb les photos. J'avais pas fait ça pendant la grande enquête. C'est fou. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'aime écouter. Le genre, comme je le disais avant, en début de chronique, le genre de choses qui t'apprend des choses de façon romancée un peu, mais aussi de façon vulgarisée. OK. Ouais. Descendre ça au niveau où même les gens comme nous peuvent comprendre. Ben c'est ça, tu sais, on s'entend. En Égypte, dans ce temps-là, je suis pas sûre que ça parlait anglais comme ça parle anglais dans l'émission. Sûrement pas. Hein? D'après moi, leur langage était un petit peu moins soutenu dans l'émission. Il y a suspension of disbelief dans les séries, des fois. Genre, il faut enlever un petit peu son côté analytique de la réalité, mettons. Quand ouais, on regarde ça. Mettons. Un peu. Mais de nos jours, étant donné Internet, entre autres, ils doivent avoir des conseillers pour leur pour qu'ils fassent les choses de façon la plus réaliste possible. Ben, probablement, j'imagine, parce que, écoute, il y a des historiens qui ont travaillé sur l'émission. Il y a quand même, tu sais, il y a beaucoup de recherches qui ont été faites à ce point-là. Et Toutankhamon, en fait, juste pour continuer un peu à savoir qu'est-ce qu'est l'histoire, c'est, je le disais, le plus jeune pharaon de l'histoire égyptienne. Il a succédé au trône de l'Empire à l'âge de 10 ans, après que sa demi-sœur soit tout simplement disparue. Donc, c'est elle qui avait succédé au trône après son père. Mais après que sa demi-sœur ait disparu de façon inexpliqué. C'est lui qui a accédé au trône du nouvel empire qu'on appelle. Et il a dû, en fait, faire une alliance. C'était bien in, hein, dans ces temps-là. Faire une alliance avec sa sœur pour pouvoir accéder au trône simplement à l'âge de 10 ans. Donc, il était déjà promis à sa sœur. Et c'est un des points qu'on va vraiment beaucoup exploiter dans la mini-série, à savoir qu'est-ce qui se passe si, exemple... tu es promis à ta sœur, mais tu sais que c'est ta sœur et que t'as vraiment pas envie de passer le reste de tes jours avec ta sœur comme femme. Ça se peut, ça. Là où arrive Kylie Bunbury, en fait, qui joue une fille que Avin Jojia rencontre. Et c'est vraiment très bien fait. Comme je le disais, c'est vulgarisé au point où tu peux tout comprendre. Il faut comprendre aussi que Toutankhamon est arrivé dans une période qui était vraiment troublante dans ces moments-là. C'était une période de trouble. Il y avait des remises en question de religion. Il y avait des bouleversements de valeurs traditionnelles. Des risques de guerre avec une troupe qui était tout à fait différente des Égyptiens. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont exploitées dans l'émission. Donc, exemple, on voit des scènes, beaucoup de guerre. Et une tension aux yeux qui n'aiment pas tant voir beaucoup de sang, parce qu'on va en voir beaucoup. Ah, OK. Juste ça comme ça. Il disait qu'il y a des bouleversements de valeurs traditionnelles. On le voit dans les jeux des personnages, on le voit beaucoup. Les causes de remise en question des religions, c'est un des points qui est exploité dans l'émission. Je trouve ça vraiment bien fait, parce que ça rejoint un peu tout ce qu'on a vu dans l'histoire normale de tous les temps. Comme exemple, je sais pas moi, juste l'histoire canadienne, oui, à un certain point, on a remis en question la religion, mais de voir que ça a été remis en question il y a si longtemps aussi, avant même que nous, notre religion devienne si importante, c'est le fun. C'est le fun parce que tu connectes vraiment plus avec les personnages par rapport à ça, et c'est probablement ce qui te fait beaucoup aimer Toutankhamon, malgré le fait qu'il se met à un certain moment à tuer tout le monde dans l'émission. Tu dis qu'on s'attache quand même, mais est-ce que t'as le temps de t'attacher en 3 épisodes? Hey, t'as le temps de t'attacher en 3 épisodes parce que, comme je l'ai dit, c'est 3 épisodes de 90 minutes quand même. C'est des téléfilms presque. Ouais, ben c'est ça. Ouais. Moi, au début, je croyais que c'était un film parce que le premier épisode dure 1h30. Ouais. Mais là, non! Ça t'amène au deuxième épisode. Puis là, je suis comme, oh, c'est une série! Mais c'est une drôle d'idée. C'est comme. Il aurait pu faire 5 épisodes d'une heure, mettons. Mais c'est quasiment un documentaire romancé. Je dirais pas fictif, mais ça doit être fictif par bout. Ils ont inventé des histoires par rapport à ce qui s'est vraiment passé, mais je sais pas si tout ça a vraiment. Ben, j'imagine que oui, parce qu'à un certain point, jusqu'où est-ce que l'histoire révèle ce qui s'est passé dans ce temps-là? Ça le dit, par contre, Toutankhamon a été. Lorsqu'il est décédé, il est décédé seulement à 18 ans. Ça a été le plus jeune pharaon à être au trône, mais. Il est mort rapidement quand même. Dans l'émission, il est mort empoisonné pas d'une maladie, mais en fait, après avoir été au combat, il se fait frapper avec une lame qui, elle, aurait été empoisonnée en quelque sorte. Tu viens de me dire que tout mourait. Oh, excusez! J'espère que vous savez tous que Toutankhamon est décédé. Sinon, allez sur Google. Mais J'imagine à un certain point qu'il y a beaucoup de choses qui ont été ajoutées parce que, comme je le dis, il fait la rencontre de Kylie Bunbury qui, elle, vient troubler justement ses valeurs traditionnelles, à savoir qu'il était promis à sa sœur. Dans l'émission, je peux-tu faire ça si vous avez le goût d'écouter? Moi, j'ai vraiment le goût. En ce moment, je trouve que t'en parles tellement bien que j'ai le goût d'écouter pour vrai. Surtout que c'est pas trop long. OK. Ben, dans ce cas-là, je vais te donner juste un petit in. Il y a quelque chose qui fonctionne pas avec sa sœur qui pourrait faire en sorte qu'il reste au pouvoir les deux. Hein? Ben, voyons donc. Moi, je dis ça comme ça. OK, non, c'est bon. Et à cause de cette intrigue-là en question, vient une panoplie de d'aventure, j'imagine que je pourrais le dire comme ça, d'aventure, de questionnement à savoir qu'est-ce qui va se passer. Et là, on voit surtout qu'à l'âge où Toutankhamon, j'ai beaucoup de difficultés avec son nom, hein, Toutankhamon, qui était au pouvoir à cause de son très jeune âge, il a été entouré déjà à l'âge de 9 ans lorsqu'il a atteint le trône. Il a été entouré de gens qui avaient été choisis par son père pour l'accompagner dans ses décisions et tout ça. Et là, vient surtout rentrer en ligne de compte tout ce qui est pouvoir, tout ce qui est manipulation d'un jeune pharaon. Quand que tu as atteint au trône à l'âge de 9 ans, je suis pas certaine que tu connais exactement tout ce qui est politique. Pas tellement, non. Alors, ce qu'on te dit de faire, qui est bien de faire... Ouais. En théorie, tu penses que c'est bien de le faire. On l'appelle, il y a le slogan en dessous du titre sur l'affiche qui est mm-hmm. Boy Rebel King, le roi garçon rebelle ou le rebelle roi oui, garçon. Oui, parce qu'en fait, tu sais, quand ils disent les bouleversements de valeurs traditionnelles, il n'allait pas nécessairement dans la lignée que c'est les gens autour de lui le conseillaient de faire mm-hmm. et c'est pourquoi il a été si rebelle pour certains. Et l'émission, en fait, a vraiment donné deux points complètement différent sur les internets. Il y a beaucoup de gens qui ont aimé l'émission comme il y a beaucoup de gens qui ont vraiment pas aimé l'émission. À cause justement de tout ce qui a été romancé. Et certains autres ont beaucoup apprécié justement parce que ça a été romancé et parce que peut-être qu'il y avait des choses qui avaient été ajoutées à la suite de ce qu'on savait déjà en fait sur Toutankhamon. Est-ce que c'est une série à grand budget? Est-ce que tu as remarqué des effets spéciaux, des grands décors un peu à la HBO Game of Thrones? Tout a été tourné au Maroc. OK. L'entièreté de la mini-série a été tournée au Maroc. Mmh. Les images sont exceptionnelles. Ça se passe vraiment dans des palais. C'est vraiment beau. D'après moi, c'est une grande production quand même. Là. Cool. Ouais. Si ça peut mettre Spike TV sur la map pour quelque chose d'autre que leur émission. Ben, sais-tu quoi? Moi, j'aurais aimé ça en voir plus. Ouais. Tu finis la mini-série, là, puis tu fais « Non, c'est tout ». Mais tu peux pas, tu sais, tu peux pas aller plus loin que ça parce qu'il meurt. C'est ça, il va falloir. S'ils font une suite à ça, il va falloir que ce soit avant, pendant, tu sais. C'est ça. Ouais, ils ont un petit peu, ils sont peinturés dans un coin, comme on dit. Hein? Exactement, tu sais, le avant est exploité seulement peut-être 10 minutes au début de l'émission pour justement mettre en place les personnages, dire qu'il a 9 ans, puis il tombe en charge du trône et du nouvel empire qu'il appelait dans ce temps. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de avant. Il y a le pendant qui est là, mais évidemment, il était sur le trône pendant 8 ans, mais tu sais, ça se passe vite, là. C'est 3 épisodes de 90 minutes. Ouais. Est-ce que tu veux savoir quelles autres émissions il y a sur Spike TV? Oui, vas-y donc. C'est eux qui diffusent Lip Sync Battle, ça vient de là. Ah! Ouais, ouais, ouais. Bar Rescue, OK, où on essaie d'aider des bars qui sont en faillite. Ils jouent des reprises de Cops. OK. Tu sais, fait que c'est vraiment Jail, tu sais, des émissions de prison. C'est pas une chaîne qui a une grande classe, donc ça me surprend un peu d'avoir une mini-série comme toute. J'ai cherché la bande-annonce de toute sur Google Et ça me donne la bande de Prête à tout. Donc j'imagine qu'en français, Prête à tout, ça pourrait être un titre accrocheur pour peut-être, tout. Peut-être. Tout inclus, sinon peut-être. Ah! Il y aurait... je sais pas, non, c'est terrible. J'ai une deuxième émission. Ah oui, OK, attends un peu. Non, je voulais qu'on écoute un extrait d'abord. Ah, OK, vas-y. Ça vas-y pour ça, l'extrait. Ça m'amenait à ça. Tu vois, on va essayer, voir. Oui, ça, on va essayer. Ouais. Oh, c'est ça, c'est de la musique épique, ça, là. Oui. I will serve you as I did your father. I will protect you. Je vais te protéger, comme ton père l'a fait. This is what it means to be pharaoh. Voici ce que c'est d'être pharaon. Une émission originale de Spike. C'est dur de décrire des images en même temps, mais on le voit porter son habit là, de pharaon. Oh, il prend un petit accent, oui, hein? Ils ont tous un accent. Okay. You're the boy king that lives behind other men. Tu es le garçon roi qui vit derrière d'autres hommes. We have a duty to this kingdom. Nous avons un devoir envers ce royaume. Up Petite chanson cheap pour aller avec, évidemment, pas cher. Coûte pas cher, ça. Sort un couteau, elle sortit un couteau. Okay, on pourrait continuer longtemps, mais là, les gens ne voient pas. Ouais, non, c'est ça. Mais si jamais vous voulez, je posterai la bande-annonce sur Assemblage Requis tout juste après l'émission ou pendant la pause publicitaire tout à l'heure. Fine, c'est ça. Et ma deuxième émission, eh bien, c'était la première de la nouvelle série Blind Spot. Oh, hier tu nous soir. Parles de choses récentes. Oh, oui. Oh, yeah. Et Mathieu, est-ce que toi, en tant que jeune garçon, disons, lorsque tu avais peut-être, je sais pas, 12, 13 ans, as-tu déjà pensé vouloir devenir un agent du FBI? Ben, Colin, je regardais X-Files, fait que oui, c'est sûr. Hey, moi, je rêvais à ça, là. Je voulais donc travailler pour le SCRS. Je voulais donc être Mulder. Je voulais donc soit devenir police ou agent secret. Ouais. J'aurais été sur la coche. Mais bon. T'es sûr qu'on va quasiment passer à Scully par moment, tu sais. Ah. On pourrait être comme Mulder et Scully de la radio. On pourrait faire une mini-série. Ah oui, on résout des crimes sur le campus. Oui, on fait ça. Cool. OK. Alors, Blind Spot, en fait, est une nouvelle émission écrite par Martin Garrow. La première était hier sur la chaîne américaine NBC et au Canada, c'est diffusé sur la chaîne CTV. Les producteurs de la série, en fait, c'est quand même des producteurs qui ont déjà travaillé sur de grosses séries, entre autres Arrow and the Flash, okay, qui sont beaucoup plus super-héros en temps normal que Blind Spot. Le personnage principal est joué par Jamie Alexander, l'actrice qui a joué dans Thor. Elle est accompagnée de Sullivan Stapleton, un acteur australien. On dirait vraiment un faux nom, là, je m'appelle Sullivan Stapleton. Sullivan Stapleton, qui joue le rôle de Kurt Weller. Et Marianne Jean-Baptiste, qui est une actrice qu'on a connue, entre autres, dans Sons of Anarchy et Private Practice. Les trois personnages principaux, je dirais que ce sont ceux-là, et surtout pour la première émission, on va mettre en scène et en place tout ce qui est personnage, tout ce qui est histoire. Donc, qu'est-ce que Blind Spot, me demandez-vous? Évidemment, présentement, l'émission est qu'en anglais. On est à la saison 1. Alors, calme, si jamais vous n'écoutez pas d'émission en anglais, malheureusement, vous allez devoir attendre un petit moment pour l'avoir en version française. Embarquez dans le train là, des émissions en anglais. C'est là que ça se passe, les émissions en anglais. C'est là qu'il faut embarquer là-dedans. Là. Excusez-moi, mais c'est tellement facile tout trouver sur Internet, encore plus sous-titré. Ouais. Forcez-vous un minimum. Ouais. Ouais. Tu sais, au pire, mettez les sous-titres français. Ah, ça, c'est ça. Je veux pas dire aux gens qui sont obligés d'apprendre l'anglais tout de suite. Non, c'est ça. Mais c'est ça. Ça vaut la peine en plus. Moi, j'ai beaucoup aimé le premier épisode. Qu'est-ce que Blind Spot en fait? Blind Spot, c'est une fille qui est retrouvée dans un sac de sport en plein milieu de Times Square, nue, recouverte de tatous de la tête aux pieds. C'est ça, cette émission-là. Je me rappelle avoir vu l'affiche. Ah, oh, waouh, ça a l'air bon, ça. C'est très bon. Et en fait, sur le sac en question, en début d'émission, c'est marqué « Appelez le FBI ». Donc, évidemment, on pense qu'il y a une bombe dans le sac. On appelle le FBI vient et on trouve une fille à l'intérieur du sac. Lorsqu'elle sort du sac, elle ne se souvient plus qui elle est. Elle ne se souvient plus d'où elle vient. Elle ne sait pas pourquoi elle est tatouée de la tête aux pieds et elle ne sait absolument rien. Elle est en sacrement. Ouais, aussi. Elle est surtout apeurée, en fait, de savoir qu'est-ce qui s'est passé parce qu'on s'entend, là, dans l'émission, elle n'a pas 8 ans. Là. C'est pas comme si poum, elle s'était cognée à la tête. Puis, non. T'sais, elle a peut-être quoi, 32, 35 et elle sait qu'elle a déjà fait quelque chose avant, mais qui est-elle? Et là, c'est en lendemain au FBI qu'on se rend compte que tous les tatous sur son corps veulent dire quelque chose. C'est comme une grande carte à indices pour le FBI. Ça fait dire qu'ils peuvent avoir plusieurs saisons parce qu'elle doit avoir des centaines de tatous. Ils ont dû prévoir ça en fonction d'avoir 5, 6 saisons. Je comprends pas. Le corps en entier est rempli de tatous. Et en fait, on l'amène au FBI et surtout à quelqu'un en particulier. Ou roulement de tambour. Sullivan Stapleton qui joue le rôle de Kurt Weller parce que son nom est tatoué sur elle. OK. Mais il ne la connaît pas du tout. Alors, évidemment, l'intrigue est à savoir pourquoi est-ce que mon nom est tatoué sur toi? Pourquoi est-ce que toi, t'as mon nom de tatoué? On se connaît pas. Qui est-ce que tu connais qui me connaît? Wow. Mais évidemment, elle se souvient de rien. Non. Donc, c'est quelque chose vraiment à exploiter. Dès le premier épisode, on met en scène une première enquête qui mène à quelque chose. Je veux pas vous dévoiler déjà le premier s'il épisode plaît, parce que non. C'était hier. Donc, vous pouvez toujours aller voir l'émission. J'imagine que ça va passer en rediffusion sur CTV. Même chose sur NBC. La première saison va être sur 13 épisodes. Donc, okay. Déjà, en partant, ça nous donne un bon temps pour se dire « OK, vous pouvez mettre pas mal d'informations. » Ça va pas être trop dilué comme sur 24 ou 26 épisodes. C'est exact. Trop des fois, t'sais. Et je suis tombée sur un article ce matin en faisant quelques recherches. Et l'écrivain de l'émission, en fait, dit « On va y aller avec la façon dont les gens vont découvrir les indices. » Parce qu'il s'est fait demander jusqu'où est-ce que ça peut aller. T'sais, on s'entend, c'est une fille amnésique qui se réveille avec plein de tatous sur elle. À un moment donné, soit qu'elle va partir ou soit que ça va décider d'en terminer, tout simplement. Terminer sa vie, exactement. C'est ça. Il dit on va voir qu'est-ce que ça va donner pour les premiers épisodes, jusqu'où les gens sont prêts à en prendre. Ouais. Et surtout, jusqu'où les indices vont nous mener. Donc, j'imagine qu'il y a vraiment plein de petits... Ah, c'est le fun. Oui. Imagine être l'actrice qui doit refaire faire ces tatous-là à chaque fois qu'elle filme l'épisode. Oui. Peut-être qu'elle a filmé les 13 de suite. Peut-être qu'elle peut juste faire les manches parce que le reste de son corps est couvert par moment. Puis le reste, c'est ça. Qu'elle fasse le corps au complet. Ah, wow! Puis tu sais, dans le premier épisode, on apprend que les tatous, ça fait pas extrêmement long qu'ils sont là. OK, ils sont frais faits. OK, personne n'est pas rendu compte. Elle sait pas. Mais non, elle sait pas. Elle se souvient absolument de rien. Fantastique. Ça a l'air vraiment bon, ça. Oui. Moi, je regarde, quand au mois de mai, les réseaux américains sortent leur horaire d'automne avec leurs nouvelles émissions. Mm-hmm. Je regarde les bandes annonces, puis ça en était une vraiment qui m'a intéressé. Oui. Et je le fais-tu? Je donne-tu un léger spoiler? Ah, c'est vraiment, très vraiment léger. OK. À les cheveux noirs. Marianne Jean-Baptiste, je vous dis pas qui elle joue. Mais peut-être que dans le premier épisode, on pourrait sous-entendre qu'elle n'est pas aussi bonne qu'elle le prétend. OK, mais ça, c'est un punch à la fin de l'épisode ou quelque chose du genre, comme il va y en avoir à chaque épisode. Là. Ça ne doit pas être majeur. Là. Exact. Ça peut l'être comme ça peut être une fausse piste, un red herring. Non, mais tu sais, je voulais pas voler de gros punch. De toute façon, il n'y a pas eu de si gros punch que ça dans le premier épisode parce que justement, c'est un pilote. Alors, on établit les personnages, on établit la place. Évidemment, ça se passe pour le moment à New York. Et je vais suivre ça de très près parce que j'ai beaucoup aimé le premier épisode. Blind Spot, un peu genre angle mort presque comme oui. ça, mettons. Si on... Puis comme elle se souvient absolument de rien, bien je me suis dit pourquoi pas jouer la pièce du band No Joy qui se retrouve au top 20 anglophone des palmarès C'est fou avec la pièce Remember Nothing. Please. Et c'était la pièce Remember Nothing de No Joy dans l'émission Assemblage Ricky au 89.1 FM. Oui, et au retour, on parle d'improvisation avec Gabriel Béo de Restez là. Assemblage Ricky pour toi aujourd'hui. Sifu 89.1 FM. Assemblage Ricky est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Bon retour, vous êtes toujours à Assemblage Ricky, l'émission matinale en pièces détachées. On est mardi 22 septembre à 8h38. Qu'est-ce qui se passe, les amis de votre bord? Moi, je veux savoir ce qui se passe. Ah, mon Dieu, mais on vient de... Gabriel et moi, on vient de tomber sur une vidéo d'un gars qui fait une joke dans un stationnement souterrain avec un gars amputé avec les tripes sorties. Mais c'est vraiment... Ah, je l'ai vu, c'est drôle, oui. Et là, oui. Il se met à courroyer le monde, puis en tout cas, là... Ah, comme un zombie, mais c'est un vrai amputé, là, puis... Oui, mais c'est pas drôle, là, tu sais, comme... C'est drôle présentement, mais t'imagines la peur que ça fait. Ah, moi, je pense... C'est clair que tu meurs trois fois. Oui, c'est ça. C'est ça. En tant qu'amputé des jambes comme ça, tu sais, qu'est-ce que tu peux faire comme job autre que ça, tu sais? Non, c'est pas vrai. C'est bien, mais je trouve qu'au moins, il se prend pas au sérieux, tu sais, je trouve, puis il fait des bons rôles. Moi, je l'apprécie, ce gars-là, vraiment beaucoup, tu sais, je trouve qu'il est vraiment bon. Oh mon Dieu, ouais, il est vraiment c'est ça, il se prend pas au sérieux. C'est là, une joke, tu peux faire tous les jobs que tu veux, c'est une blague. Bon, donc, on a improvisé sur un sujet malaisant, on va en parler de malaise. Voici Dans les coulisses de la huître. Dans les quiz de la huître, Gabriel Béaudet là, bonjour. Salut, ça va bien? Ça va bien, toi? Ah, super bien. Ah, que c'est le fun de te revoir dans ta case presque habituelle, au moins le mardi. Et à 9h habituellement, mais là, c'est 8h. Ouais, exact. Pour différentes raisons, ce matin, c'est à 8h30 plutôt que 9h. C'est intéressant, ça. Oh, oui, c'est fascinant, n'est-ce pas? C'est vraiment fascinant. Donc, aujourd'hui, on a beaucoup de sujets à aborder. Aïe, aïe. Un peu comme la dernière fois. Oui. On va commencer par le camp de recrutement qui a commencé hier soir. Exactement. En fait, le camp de recrutement, c'est simple. On vise à recruter des joueurs pour faire les équipes. Parce que les équipes ne sont pas encore formées. On a juste les capitaines en ce moment. Exactement. C'est pour ça que la semaine dernière, c'était un match uniquement le capitaine. La semaine prochaine, par contre, ça, on y reviendra. On y reviendra, mais ça va être gros, là. Ah oui, ça va être big. Big ass, big shot. Yes, sir, man. Yes. Donc, les capitaines sont Gabriel Béhoud. Oui, moi-même. Présent, oui. Alexandre Aramis-Wiki. Yes. Hein? On a bien sûr, on a Vincent Rainville. Oui. Et le dernier, là. Nadia Transcontin. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Exactement. C'est pas la bouche, là. Ben, en fait, c'est ça. C'est le but du camp de recrutement, c'est de venir vous faire valoir auprès de ces quatre capitaines-là. Parce que nous, par la suite, ben, on forme nos équipes. Il y a la place pour trois joueurs et un substitut. Et puis, je peux t'avouer qu'hier, on a eu affaire à des impros pas du tout piqués des verres. C'était vraiment bien. C'est vrai, ça. Il y avait quand même, il y avait du monde pour le recrutement. Oui, certainement. C'était bien. Ils sont divisés en gangs pour faire plein d'impros sous la main du maître de jeu, Louis-Étienne Villeneuve. Exactement. Donc, c'est ça, le cadre de recrutement, ce qui est vraiment le fun, puis j'espère que les gens ont su l'apprécier hier, c'est que c'est sous forme d'atelier. Ouais. Donc, les ateliers, ça va être plusieurs éléments comme ou des activités qui sont faites pour, en fait, aider les gens à parfaire leur maîtrise de l'improvisation. Parce qu'il y en a qui connaissaient déjà ça, qui ont joué dans les SCABS, par exemple, au cégep, ou de l'improvisation secondaire. Exactement. Ouais. Comme il y en a qui n'avaient jamais fait, en exact. Fait. Qui étaient plus du monde théâtral. Exact. Donc, ces gens-là sont venus. Là, c'était vraiment le fun aussi, parce qu'on avait un mélange d'horizons. Autant des joueurs avec expérience que d'autres qui n'en avaient pas du tout. Puis ça veut pas dire non plus que parce que t'as des tonnes d'expérience, t'as une place assurée, et vice-versa. Et il faut que tu sois capable, en tant que personne qui connaît l'impro, d'amener des gens qui ont pas de connaissances en impro et de les faire valoir un peu, peut-être. De les élever à un seuil supérieur. C'est ça, parce que des joueurs de la lutte présentement qui étaient au camp et devaient... En fait, on a vu des combos souvent d'un joueur de la lutte présentement, ou en tout cas de l'année passée, parce que présentement, ils sont pas dans la lutte. Non, c'est ça. Il y a une zone grise entre les deux, là, mais contre des personnes qui connaissaient moins l'impro, et tu voyais que la personne de la lutte, des fois, prenait moins de place pour essayer de... Exactement, donner ben, il jouait un peu le rôle de faire valoir. Voilà. Puis c'est normal, parce que les gens de la lutte... ont peut-être une légère avance, soit dit en passant. Ils ont déjà fait le camp aussi, donc ils savent ce que c'est d'être le nouveau. Exactement. Et puis, ben nous, on les a vu jouer ou on a joué avec eux toute l'année dernière. Donc, généralement, c'est sûr que, pour être bien franc, ben, ils partent avec une petite longueur d'avance parce qu'on les connaît et on sait de quoi ils sont capables. C'est ça. Ils ne sont pas tous nécessairement repris. Non, ceci étant dit, c'est sûr, ça se peut qu'il y en ait qui ne soient pas repris. En fait, la façon que ça fonctionne avec les capitaines, c'est que les capitaines choisissent chacun de leurs bars qui veulent. Donc, il peut y avoir des gens qui ne seront pas choisis dans la lutte de l'année passée. Exactement. En fait, on risque de faire nos drafts d'équipe. Ouais. Et puis, si finalement, c'est pas du tout conflictuel, ben go for it, t'as ton équipe. Ouais. Sinon, il va falloir user de la collégialité entre collègues d'improvisation. Donc, discuter pour finalement... Est-ce qu'il y a de l'argent qui s'échange? je te paye un 20 si tu me laisses tel joueur. Non, on fait de l'impro, Mathieu, on fait pas de la politique. Ah, OK. Ça aurait été plaisant, par contre. Parce que... Oui, t'aurais fait du... Exactement. Ouais. Moi, finalement, je prendrais pas de joueur, mais je vais prendre 3 000 $. Mais non, mais en fait, c'est ça, les équipes sont formées ce soir. Oui. Donc, si vous avez pas eu la chance d'être au camp hier soir, ben il y a une deuxième soirée au camp. Ça veut pas dire que vous serez pas pris si vous venez juste à une des deux soirées. Non. Pas du tout, en fait. C'est sûr que si vous venez aux deux, évidemment, ben là, ça vous donne la chance d'être plus vu. Bien sûr, c'est normal. C'est normal. Et ça va être un autre metteur en scène, ça va être Rémi Francœur. Exactement. Et puis ça risque d'être à des années-lumière de ce qu'on a vu hier. Oui, comme jeu, c'est sûr, ça va être plus physique. Oui, ça risque d'être largement plus physique. Et puis, un petit peu, peut-être plus dans les nuages que... Oui. Que... Ben, Louis Tien, c'était très, très, très, comment dire... De base. De base. Et, mais c'était très bon aussi. Ça nous faisait voir ce qu'on voulait voir. Très sérieux. Il n'y avait pas de flafla. C'était, bon, on va faire une impro solo. On va faire une impro à deux avec quelqu'un qui rentre en troisième place. Exactement. On va faire une impro à trois avec quelqu'un qui rentre en quatrième place. C'était comme la guerre des clans. Exact. Ça n'a aucun rapport. Exact, la guerre des clans. Luke Sonny était là, puis il faisait des splits à la scène. C'est très vrai. En tout cas. Mais ouais, donc Rémi Francœur, plus foufou, plus de plate de contraintes de jeu. Mm-hmm. Vous devez jouer avec un objet ou une chaise ou pas. Exactement. Moi, j'aimerais aborder le sujet quand même du malaise que certains joueurs peuvent amener. Je veux pas gêner personne, mais quelqu'un s'est présenté en tant que Cédrica Provencher. Ouais, puis ça, c'est... C'est non. Ça, c'est pas drôle. C'est pas drôle. Hey, ça, c'est pas drôle. Pas se sentir mal à matin si elle vient de vous entendre? C'est pour ça. Je voulais le dire parce que je voulais juste pas que quelqu'un fasse la même erreur ce soir. Non, c'est ça. C'est ça. Ça, évidemment, on va retenir votre nom. Oui. Pas nécessairement pour les mêmes raisons. Peut-être pas. Mais ceci étant dit, ça l'empêche pas de participer au camp. Mais moi, je vais t'avouer, Mathieu, là, que n'importe qui arrive avec dans sa présentation une super bonne blague. Oui. Là. C'est bon, ça, ou c'est... Wouf, moi, non? ça griche un petit ça peu. Ça t'impressionne pas? Mais, ou un jeu de mots sur ton nom, par exemple. Ah, moi, ça n'étant pas une bonne blague, évidemment. Mettons, moi, c'est Maxime Laporte. Ou mettons, là, Jean-Claude Larue. Ouais. Mais pas la rue d'à côté! ce genre de blague-là, tu sais. C'est sûr que c'était des blagues vraiment meilleures que celles que j'ai. Quelqu'un a fait exactement ça hier, fait que, la rue, non. Non, mais pas la rue, mais un autre nom. Mais ça, moi, en tout cas. Je vais t'avouer que tu pars peut-être avec une prise au bâton. Mais si t'es bon, le reste du temps. Non, c'est ça, pas du tout, ça change rien. C'est juste que la chance de faire une première impression. En présentant ton nom, parce qu'on invite les gens à se présenter puis à nous expliquer, évidemment, bonjour, quel est ton nom, tes deux parents, c'est-tu des peurs races, puis des questions comme ça. Es-tu un bâtard? C'est ça. Et puis, on leur demande plein d'informations sur leur pedigree d'improvisation, et puis, ben là, c'est ça. Mais, tu sais, si t'arrives en te présentant, là, de manière farfelue, là, ouais. C'est pas nécessaire. C'est pas gagnant. Non, ben moi, je trouve pas. Mais ça, ils savent pas. C'est des petits genoux. Non, c'est ça. Puis en même temps, des c'est correct. Des petits genoux. On n'a pas la deuxième chance de faire une première impression. Exact. Donc, eux, ils disent, ben, puis ça fonctionne en même temps parce que je me rappelle d'eux. C'est ça. Fait que... Cédric, tu vas-tu... Tu vas-tu t'en souvenir? En tout cas. Ouais, je sais pas. Là. Le camp continue ce soir à 19h au pavillon. Michel Sarrazin, c'est dans la salle Rodolphe Mathieu. Exactement. Mais pas Rodolphe, le petit Renault des Rouges, là. Non! Je te prends pas dans mon équipe. Ah. Non, mais. Je veux pas être dans ton équipe, Gabéoud, parce que je veux pouvoir te regarder à la place, tu vois, genre, sans avoir à jouer avec toi. On va le faire à la radio, ça. On va peut-être co-animer, aussi. Ben, j'espère bien qu'on va continuer. Moi, j'aimerais ça, en tout cas. Moi aussi, j'aimerais ça répéter l'expérience. Donc, ça, c'est le cadre de recrutement qui a lieu ce soir. Oui. Mais d'ici à la prochaine fois qu'on va se parler, qui est mardi prochain, oui. Il va y avoir aussi le match showcase lundi soir à 20h. Oui, le match showcase, en fait, là, ça va être l'opportunité pour tous de venir voir les nouvelles équipes. Une fois formés. Oui, oh, oui, exact. Tout le monde va jouer. C'est en pression, même les substituts devraient être là pour ce match. Donc, le match showcase, c'est simple, c'est deux demi-matchs. C'est-à-dire que, par exemple, les rouges peuvent affronter les bleus et les verts les oranges dans une période respective. Ça veut dire que chaque équipe va jouer environ une heure. C'est surtout l'occasion dans ce match-là de voir les nouveaux joueurs, la viande fraîche. Oui, c'est ça. D'avoir les nouveaux joueurs débarquer et puis de voir la composition des équipes parce que souvent, c'est très intéressant. Des drôles de match. Exactement, des drôles de mix qui peuvent... Parfois, ça fait rire fabuleux. Des fois, un capitaine pourrait choisir que des gros gaggers qui font genre des punchlines. Mm-hmm. Il pourrait choisir juste une équipe dramatique. Ça dépend du genre. Exactement. Il pourrait mixer les genres. Exactement. Ouais. Donc, et en plus, on va pouvoir tester aussi les deux arbitres qui vont séparer le match en exactement, deux. Exactement. En fait, il y a même trois arbitres. Comment ils vont faire avec le troisième d'abord? Hein? Ils vont se séparer en deux. Ah, OK. L'un prend les jambes, l'autre prend le torse. Exactement. Puis là, il va courir déguisé en zombie après le match. mais non, mais je sais pas en fait comment ça va fonctionner par contre. J'ai hâte de voir ça. Ouais, Peut-être qu'il va faire une impro en featuring comme il va faire un match dans saison. Sûr. On sait pas ça. Feat Antoine Lacasse. C'est ça. Ouais. Ça pourrait être ça. Donc ça c'est le showcase. C'est lundi prochain à 20h. Ouais. Chasse galerie gratuit. Ça c'est un match, le premier match en fait de la saison régulière. C'est comme un match hors concours. Ouais. Un peu comme le match de ce soir là, des Canadiens contre les Maple Leafs. Ah. Hein, hein? C'est la viande, ça, je pense. Ouais, ouais. Mais les saucisses. Ils sont bons, ils ont. Exactement. Cool. J'ai bien hâte. Ouais. Bah, au match showcase. Bacon canadien. Canadian bacon. Ouais. Canadian bacon. Canadian bacon. C'est bizarre, ça. Ouais, je comprends. J'ai jamais compris pourquoi c'est Canadian bacon. C'est juste du jambon. C'est ça, puis c'est genre rond. Ça n'a pas rapport. C'est genre rond et du jambon. Mais c'est qu'il doit venir d'ici. Tu penses? Moi, je suis pas sûr. Comment peux-tu savoir d'où vient un cochon? Mais là, le bacon Maple Leaf. Mais il est élevé où? C'est pas moi. Il doit être élevé au Canada. T'as importé? C'est pour ça. À Alma. Est-ce qu'il est plus race, ton cochon? Je sais ton pas. Ton jambon canadien? Peut-être un cochon bâton. Peut-être un cochon bâton. On sait pas. Qu'est-ce que vous aimez du Canada, vous autres, maintenant? Qu'est-ce que j'aime du Canada? C'est tellement une bonne question. Ah, t'as jamais vécu de chronique normale avec Gabriel Béot. Ouais. Ça va tout le temps dans ce sens-là. Qu'est-ce que j'aime du Canada? Ouais, le Canada, mettons. Sirop d'érable. Mon passeport, mes rocheuses. Ouais. Puis mon sirop d'érable. Puis ma RCMP. Ah oui, la police montée, Royal ouais, Canadienne. Ça, j'ai. Ça, là, des fois, je me couche, puis je rêve à eux. Et boy! C'est très vrai. Ça avait l'air et vrai. C'est très vrai. mais les. Bon, sur ça. C'est les Britanniques qui ont leur grand chapeau de poêle, là. Oui. Ça aussi, tu rêves à ça des fois, t'aimes ça poilu de même. La garde royale? La garde non, royale? Pas. Des gros battes poilus sur la tête? C'est ça, exact. Non, c'est. Là, tu rêves pas ça? Non. Est-ce que tu penses qu'ils se teignent leur chapeau? Est-ce que tu peux avoir un chapeau poilu blond? Je suis pas certaine. Ouhou. D'après moi, ils doivent rester noirs. Je me demande c'est quelle fourrure. Je me demande aussi c'est quelle fourrure. Puis si, mettons, t'as un poil de chapeau poilu sur la langue, est-ce que ça chatouille? Si ça chatouille. T'as pas le droit de bouger, par exemple. Ça, ils n'ont pas le droit de. Mais imagine, un poil tombe sur la langue. Mais j'avais vu un mais vidéo. Mais il a la bouche fermée? Il a pas le droit de bouger? Ah, j'avoue qu'il a la bouche fermée. J'avais vu une vidéo, il n'y a pas un poil sans langue, mais là, tu sais, il y a un petit farceur, justement, là, qui fait une blague. Est-ce que c'est un épisode de Mr. Bean que t'as vu? Non, mais ce gars-là m'a fait énormément rire. Quand il se promène en char et il fait des fingers au monde, là, parce qu'il pense que c'est une manière de dire bonjour ou je sais pas trop. Là. Wow! C'est mon préf tellement. Ou quand il peinture son appartement à dynamite. C'est tout, c'est pas vrai. Je me rappelle pas. T'as pas vu ça? Non, je pense pas. Et dans le fond, il veut peinturer son appartement, puis là, il met un bâton de dynamite dans un pot de peinture blanche. Oh, oui. Puis il emballe tout dans du papier journal. Là. Les fleurs sont envolées dans du papier journal. C'est assez drôle. Finalement, il a oublié ses clans dedans. Fait que là, le bâton de dynamite saute. Fait qu'en relief sur le mur, il y a lui qui est pas peinturé. Oh, c'est très drôle. Quand il va se baigner, quand il va plonger là, à la piscine, puis qu'il c'est drôle. Ils sont tous drôles. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas écouté Mr. Bean. J'écoutais ça sur l'heure du dîner. Oui, hein, mais quand on allait à l'école primaire, ça jouait sur l'heure du dîner. Bonne idée. Ouais, ça serait bon. Ça, il aurait joué ça la nuit à télé. Bring back Mr. Bean. Bring back Bean. Bring back Bean. Pas obligé d'être juste la nuit à télé. Là. Tu pourrais scraper une couple d'émissions. Là. Qui perd gang 12. Là. Ouais, enlève Marina du matin à Radio Can. Ouais. Marina Orsini, on s'entend-tu pour dire que ça? Hein? Marina Orsini. Ça, là, Je trouve ça drôle que tu me parles d'elle, parce qu'on vient de parler de Bacon et de compagnie. Ouais, puis Marquinhos, et parce qu'il rêve d'elle la nuit. C'est sa personnalité canadienne préférée. Ouais. Dans ses comptes. Mais je comprends pas le monde qui, année après année, dans des palmarès genre Le Séjour, disait que Marina Orsini était la plus belle comédienne au Québec. Hey, c'est vraiment, sont-tu aveugles, ce monde-là? J'ai vu ça, mais pas long. Oui, oui. Souvent, là, c'est pas une fois là, que c'est arrivé. Ben, voyons. C'est arrivé à multiples reprises que Marina Orsini était déclarée comme la plus belle femme au Québec. Mais d'après moi, ils sont pris dans le passé, dans le temps de l'ancien compte. Peut-être. Qui est, selon vous, votre actrice la plus belle au Québec? Go! L'actrice la plus belle au Québec? Oui. Tabarouette, c'est une bonne question. Moi, j'ai mes deux choix, elles sont déjà faites. Ben, Sonia Vachon. Sonia Vachon, oui, clairement, oui. Ouais, j'aime bien Sonia Vachon. C'est sinon, comment elle s'appelle, la fille qui joue dans Les Beaux Malaises? Comment elle s'appelle? Julie, je sais pas quoi. Le Breton. Le Breton, oui, elle est belle. C'est vrai. J'irais avec un classique, là. Marie-Lou Wolfe est quand même très jolie. Ouais, c'est vrai. J'aime ça, moi, son casting de fille de 15 ans. J'aime ça. Oui, mais elle est rendue plus femme, là, elle est mère maintenant, là, donc... C'était un beau commentaire, ça. Ben oui. Moi, je vais y aller avec... je vais dire Rachel Lefebvre pour commencer. C'est qui, ça, Rachel Lefebvre? Elle joue dans Under the Dome en ce moment. Ah oui, évidemment, la Montréalaise. Exactement. La Rousse, là, qui jouait dans... tu sais, là, le gars, il chante. Le loup-garou du campus! Dans le loup-garou du campus! Oui, elle joue dans la première saison. Elle jouait dans le loup-garou du campus! Oui, regarde, je vais te la googler. Oui, Google Rachel Lefebvre. Je vais ajouter Caroline Davernas, j'ai toujours adoré depuis toujours. Sainte-Bénédicte. Karine Vanasse. Non. Caroline. Non, mais Karine Vanasse. Ouais, Caroline. Non, moi, c'est Caroline Davernas. Oui, mais Karine Vanasse. Ouais, mais non, mais moi, c'est Caroline Davernas. C'est qui, ça, Caroline Davernas? Voyons donc, comment? J'ai pas écouté mes Gémeaux, excusez. Ben non, elle n'a jamais gagné le Gémeaux, je pense. C'est elle. Gabrielle. OK, ça va être long, là. C'est bon, il faut qu'on écoute. Bennett. Vous googlerez ça, les amis, c'est quelque chose. Et ma numéro 1, c'est Magali Lépine-Blondeau. Magali Lépine-Blondeau. Magali Brousseau-Arcan. Magali Lépine-Blondeau, comment? Elle jouait dans Tu m'aimes-tu, elle, ben hein? Oui, puis bien plein d'autres affaires. Ah, c'est oui, vrai, elle est très jolie, elle. Ouais, elle a... Vous aimez pas mes deux autres choix, là? Ouais, les deux autres, t'as pas payé. Ouais, Rachel Lefebvre, j'avais oublié qu'elle était... T'avais demandé la plus belle. Toi, tu nous fais un top 10. Non, moi, tu comprends pas. J'ai comme des ex-échos numéro 1. Fait que c'est la numéro 1, c'est quoi que la numéro 1? C'est la numéro 1. Okay. Tu comprends pas. Tu comprends pas. Non. Tu comprends pas. Non. Et au Canada? Non, OK, arrêtez. Au Canada? Arrêtez, là. OK, au Canada. Attends un peu, on nous suggère. Oh, Laurence Leboeuf. Laurence Leboeuf, évidemment. Ouais, mais il faut que tu touches parce que Marcel, le bonhomme, il sera pas content. Il trouve pas ça drôle. Il a son petit sapineau, là, puis... Exact. Son pur noisetier. J'ai dit sapineau, mais il fait-tu les deux? Il fait sapineau puis noisetier. Ouais, ouais. Quand on dit, ah ouais, il est malade, lui, il tripe sur les conifères en général. Les conifères! Il capote, le gars. Chez eux, tu débarques, c'est tout en bois, au grand complet. On me suggère Maxime Roy. Ouais, Maxime Roy. Les cheveux courts, je serais pas bien, tiens. Pour. Pas tant. Ça dépend des gens. Mais comment? Non, je sais que Marcel Leboeuf, sa femme, il l'appelle une conifère. Ah! T'es tombé! Oh boy! Conifère! Oh shit, bro! T'essayes-tu de nous passer un sapin, là, Mathieu? Là? aïe. C'est comment ça. Qu'elle s'appelait, la fille qui faisait petite laine en kilomètre heure? Elle, c'était incroyable, la transformation. Elle jouait aussi dans. Caméra Café qui, soit du temps passant, était il. Moi, ça me faisait cramper. Ah, mais je pense que j'ai regardé jusqu'à les dernières saisons. J'ai vraiment pas aimé. Non, finalement, c'est pas Pantoute. Elle faisait pas Pantoute petite laine. Celle qui jouait dans Caméra Café. Confusion ici, je donne une confusion. Elle, là. Confusion, deux minutes pour confusion. Nathalie Claude. Et t'as l'être longtemps. Dali, t'as un micro debout, si tu veux. Les gens existent pour les micros debout de nos jours à Radio Commerciale. Ah, ben oui, on est comme Énergie. Comme Énergie. On l'a trouvé, Gabriel. C'est Nathalie Claude. Qui jouait Titlaine. Mais soit Titlaine, que je voulais parler, je pensais que c'était la même fille qui jouait dans Caméra Café, mais pas du tout. Mais non, absolument pas. Confusion. Je dirais que Titlaine fait un petit peu plus peur. Elle fait peur, hein? Elle est pas belle. Je m'excuse, j'espère. Je sais qu'elle écoute. Oui, oui. Je la trouve pas très belle. Hey, tu sais, il y a une méchante là, dans Harry Potter là, qui tue avec les autres. Là. Elle ressemble un peu à elle. Ouais, ouais, comment qu'elle s'appelle? Béatrix Lestrange. Cette comédienne-là est vraiment belle, par exemple, la vraie. Ah, ouais, c'est celle qui sort avec Johnny Depp. Elle sort avec Johnny Depp. Non, c'est la femme à Tim Burton. OK, c'est ça, dans tous ses films. Sinon, Marie-Pierre Morin n'est pas comédienne. Elle est cute. Ouais, Elle est vraiment très jolie, Mercadante. Ouais, mais elle a aucun talent. C'est son seul talent. Occupation double, c'est de l'acting. Ouais. J'avoue, grâce à une game, OK? Elle a joué sa game. C'est une pire entrevue au rentrer à TVA, c'est quand même. Oui, une bonne carte d'entrée. Ben, tous ceux qui sont là finissent à TVA ou à V. Ils retournent à TVA. C'est ça, s'ils vont à V, c'est qu'un en passant. C'est genre c'est le stage. C'est le stage. Jusqu'à temps qu'ils retirent ton émission, puis là, ben, tu t'en vas ailleurs parce que t'as rien que ça à faire. Puis tu reviens une couple d'années. C'est ça, exactement. Mec, les budgets remontent, ils vont les réengager. Je vous invite à une conférence de 16 heures sur la convergence la semaine prochaine. C'est... On est déjà là. C'est ça. Ça, c'est la blonde de Marcel Leboeuf. T'es donc bien convergence. Puis il dit, t'es donc bien conifère. Ça arrive les insultes dans cette fête. Laurence, il sort avec sa fille. Ah oui, c'est ça l'affaire. Hein. C'est bien bizarre. C'est comme Donald Trump. Si c'était pas ma fille, je coucherais avec. Donald Trump a fait ça. Il a dit ça. Donald Trump a dit de Ivanka, sa fille, Ivanka, top modèle, OK? Il dit genre... Elle est tellement belle. Que si c'était pas ma fille? En tout cas, c'est ça. Point le reste. Boy. Il a dit ça. En tout cas, elle doit pas retenir du bonhomme. Elle retient de sa mère pas mal. Ouais, c'est ça. Hein? Elle a-tu les cheveux oranges? Il a fait teindre, v'là pas là. Wow, Donald Trump. Ouais. Top modèle. Une face de plastique, Donald. Dans le vent. Ouais. La couette dans le vent. Bye, Danny. Merci. Hey, bye, Danny. Écoutez, là, au dîner de con en semaine, 11h. En semaine, sauf le vendredi, parce que tu sais, ben trop. Le vendredi, c'est classique. On a besoin d'une longue fin de semaine, ça. Gabriel Béhoud. Oui. On rappelle le recrutement. Oui, c'est ce soir à 19h à la salle Rodolphe Mathieu du pavillon Michel Sarrazin. Donc, on vous attend en grand nombre. N'hésitez pas à venir si vous n'êtes pas venu hier. Il n'y a pas de gêne, en fait. Non. Vous avez l'occasion de vous faire voir ce soir aussi, puis on vous retient ou on ne vous retient pas, au même titre que ceux qui étaient là hier aussi. Exactement. Ils ne mordent pas non plus. Non. Portez des joggings, soyez confortables, pas de casquette, rien en noir. Idéalement, tout en noir, jogging, c'est le best. Rémi Francaire, on sait qu'il n'aime pas les casquettes. Non. Ensuite, le match showcase, lundi prochain, 20h, chasse galerie gratuit. Yes, exactement. Ça va être à 20h à la chasse, comme tu l'as si bien dit. Ça vous donnera l'occasion de voir justement les équipes qui auront été formées ce soir après le camp de recrutement. Ça se passe à minuit ce soir. Exactement, dans ces eaux-là. Ouais, environ. Ça va être révélé, j'imagine, sur Facebook avant le match, ou est-ce qu'on va les présenter pour la première fois au match showcase? On va voir, hein? Sûrement une surprise. On ne sait pas. Merci, Gab Béhoud. Hey, ça fait plaisir. On va revoir ton collègue Gabriel Boutentrain-Houd sur le terrain la semaine prochaine. Yes. Merci encore et le mardi prochain à 9h. Exactement. Case habituelle, régulière. Yes. Voilà, merci. Bon, ben, mardi prochain. Oui. Merci, Gabriel. Ça fait plaisir. On est toujours à Assemblage Rocky. On était rendu à prendre la prochaine pause. Et juste au retour, on va voir la collègue du Zone Campus. On doit faire le tour du plus récent numéro. Pas on doit, on veut le faire parce qu'on veut être au courant des actualités de l'UQTR. Mais pour l'instant, comme je disais, it's breaking time! Assemblage Rocky pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1 Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Toujours à Assemblage Reiki en ce mardi matin, 22 septembre, 9h, un petit peu dépassé et une. Tania Baudin est là. Oui, avec Mathieu Plante, évidemment. Oui, on est revenu solitaire en studio. Uh-huh. Ben oui, on a eu un petit peu de folie avant, là, mais... Maintenant, il faut se calmer. Mais oui, c'est pour ça le fond dépressif. C'est ça que j'allais... ça va, Mathieu, veux-tu en parler? Non, je voulais qu'on parle d'une nouvelle qui choque tout le monde, une nouvelle importante. Hey, ça vient de sortir là, il y a quelques minutes. Live à la radio au 89.1 FM. Personne d'autre va en parler, qu'est-ce qui se passe? Je suis pas certaine, là, vu que c'est déjà sur la presse, puis le Huffington Post. Je frôle le sujet. L'humoriste Mike Ward est poursuivi par le petit Jérémy. Ok, si. Ok, pour. Bien, en fait, dans le spectacle de 2010 de Mike Ward, le spectacle intitulé Mike Ward s'expose, il y a un sketch qui parle du petit Jérémy, du moins qui rit du petit Jérémy. Jerry. Le petit Jerry. Et le petit Jérémy dit qu'il a subi beaucoup de, de séquelles par rapport à ça. Il y a beaucoup d'intimidation à la suite de ce sketch-là. Et Mike Ward plaide coupable, ben coupable, du moins. Il dit que c'est simplement de... Comment je disais ça? Hors onde. Je t'écoutais pas. Ah, tu m'écoutais non, pas? Non, non, je me rappelle pas. Je l'ai sur le bout de la langue, mais il sent pas. La liberté d'expression artistique. C'est ça. En tant qu'humoriste, s'il faut que tu sois gentil avec tout le monde, tu feras pas d'humour. Tu feras pas beaucoup d'argent non plus. C'est ça, ouais. Mais là, c'est de savoir est-ce qu'il va trop loin en plaidant coupable sur la liberté d'expression artistique. Jusqu'à quel point est-ce que tu peux rire de quelqu'un et de ses... C'est handicap, que... tu sais, je veux pas dire que le petit Jérémy est handicapé, ouais, il a pas l'air d'un gars handicapé. Là. Mais c'est dans ce cas-ci, c'est des déformé, attaques personnelles. Arrête, non. C'est des Tania, je ne suis pas associé à ces propos. Là, dans ce cas-là, il parlait contre quelqu'un spécifiquement, tu sais. Mike Ward. Mais il a déjà fait un sketch sur. Cédrica Provencher aussi, et il avait eu aussi certaines difficultés à la suite de ce sketch. Mais il avait encore une fois probablement plaidé liberté d'expression artistique. C'est son rôle de faire parler de lui en parlant de choses qui n'étaient pas supposées. Ben, avez-vous déjà entendu Mike Ward parler de quelque chose en bien? C'est ça. Regardez son émission de vidéoclip à Musique Plus. Autre que le sexe. C'est ça. Et la drogue. Eh ben, donc Mike Ward. Ouais. Oh, je pense qu'on peut dire qu'est-ce qu'on l'aime quand même. On a-tu le droit? Ben, jusqu'où on peut aller avec la liberté d'expression? Moi, je suis d'accord en humour d'y aller equal opportunity offender. C'est-à-dire que quand tu parles contre tous les groupes, tout le monde en général, je trouve ça correct. Quand tu te mets à t'attaquer à une personne spécifique, j'ai un petit peu plus de misère avec ça, personnellement. Ça veut pas dire que je peux pas comprendre pourquoi il fait. Je comprends que lui trouve ça drôle, puis d'autres gens trouvent ça drôle. Puis si ça peut faire qu'on parle de lui, je suis quasiment pour. Puis je pense pas qu'on devrait l'attaquer pour. J'ai quasiment le goût de transporter ça. Hein? Est-ce que tu te souviens le mini-sketch que Sugar Sammy avait fait sur Mariana Mazza? Dans un gala qui disait « Ah, Mariana Mazza est bien drôle, mais c'est comme un handjob. Après 3 minutes, ça hérite. » Ouais. Puis elle l'avait envoyé chier directement à la télévision. Mais ça, c'est clairement un gag. C'est clairement un gag. Mais il avait tellement été, lui aussi, pointé du doigt après. Ouais. Pourquoi est-ce que tu as dit ça? Pourquoi est-ce que tu t'en es pris à une fille? Là, ouais. C'est qui l'autre humoriste avec un nom anglophone? Je me rappelle pas. Guillaume Wagner. Oui, Guillaume Wagner, qui lui aussi fait beaucoup de... De gags personnels. Il a fait un gag contre Marie-Mé en disant qu'elle devrait se tirer une balle dans la bouche. Ça. C'est un peu intense. Je l'ai pas entendu, celui-là. C'est un peu intense, mais en tant que tel, c'est clairement une joke, puis clairement, il pense pas, tu sais. Non, c'est ça. Ça la différence. Mais jusqu'où est-ce que les gens sont prêts à entendre du sarcasme? Oui, c'est exactement ça, de l'humour sarcastique. La limite du sarcastique et du offendant est très mince. Très mince. Puis les gens, ils n'ont pas de détecteur à sarcasme, certains gens. Ils vont tout prendre au premier degré. Oui, il n'y a pas de filtre, mettons. Et c'est difficile, des fois, de faire de l'humour comme, mettons, pas que je suis un humoriste, loin là. Mais je sais que bien des blagues que je fais, on peut avoir l'air méchante, alors que des fois, elles sont juste des blagues. C'est fait parce que c'est dans le moment, puis que la blague était appropriée à faire là. C'est difficile, le sarcasme, dans la vie. C'est difficile, le sarcasme. J'ai hâte de voir jusqu'où ça va aller, cette cause-là pour Mike Ward. Donc, on va prendre une petite pause musicale. Au retour, on fait la chronique Zone Campus. Mais avant ça, je vous prépare une pièce de Baden-Baden qui est sur le palmarès francophone. Voici, j'ai plongé dans le bruit et le buzz du web de Mike Ward dans l'Assemblage Rock. J'ai plongé dans le bruit pour oublier tout ça. J'ai revu la candare qui se cachait là-bas. Les renflets nous déforment en des milliers de fois. J'ai prolongé la nuit et pensé à tout ça. Prolongé la nuit à te regarder tout bas. Tout sera anormal en ne regrettant rien. Sortira du mal qu'on n'est pas comédien. Et on trouvera ça très bien. Et on trouvera ça très bien. vague de nuit. Dans un dernier espoir, je prolongeais la nuit et pensais à tout ça. Prolonger la nuit à te regarder tout bas. J'ai plongé dans le bruit pour oublier tout ça. J'ai plongé dans le bruit pour oublier tout ça. Tout sera anormal. Dans rien, on se dira du mal. Qu'on n'est pas comédien, qu'on est même un peu pâle. On a horizontal, qui nous faisait du bien. Tout deviendra vital, et on trouvera ça très bien. Et on trouvera ça très bien. Et on trouvera ça très bien. Baden Baden, leur pièce « J'ai plongé dans la nuit » à Assemblage Requis. Maintenant, chaque deux semaines sort un journal en papier. Oui, oui, chaque deux semaines. C'est encore moins souvent que la presse à partir de janvier 2016. Voici la chronique Zone Campus. Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, un journal qui frappe. Voyons la mouche qui est dans le studio depuis... Hey, elle est gossante, hein? Elle est rentrée dans l'intro de la chronique Zone Campus. En plus. Hein. Donc, Zone Campus, journal étudiant de l'UQTR. En fait, pas de l'UQTR, mais fait par des étudiants de l'UQTR. C'est indépendant quand même, il faut le souligner. C'est le 10e anniversaire depuis la semaine passée, depuis il y a deux semaines. En fait, c'est le volume 11, donc on débute la 10e année de publication. Qui va être en kiosque du 22 septembre, ça c'est aujourd'hui, jusqu'au 5 octobre, 24 pages comme toujours. Et on retrouve en couverture une rentrée qui donne le ton. C'est le spectacle de la rentrée de la GEQTR. On va en parler une fois rendu en art et spectacle tantôt. Commençons par les actualités. On commence avec l'AGE, en fait, l'Association Générale des Étudiants de l'UQTR, l'Assemblée Générale pour les Nuls. Ça avait lieu le mercredi 20... Non, en fait, ça va avoir lieu le 23 septembre. L'AGE, UQTR, entame réellement la session universitaire avec l'Assemblée du 23 septembre. C'est ça? Ouais, ouais, okay. Ben oui, OK. Ouais, c'est ça. Demain. Les cours commençaient avant, mais quand même. À 13h30, les étudiants seront conviés au local 10-12 du pavillon de la vie étudiante pour la première des deux assemblées générales annuelles de l'année 2015-2016. Vous pouvez voir les détails de ce qui va être abordé dans l'article en page 2. Toujours à l'AGE, on recule pour des raisons légales. L'AGE avait achevé une première étape du processus de la restructuration des instances du CA lors d'une séance spéciale du 8 septembre dernier. Toutefois, pour des raisons légales, le dépôt d'avis de motion sera caduque en vue de l'Assemblée générale du 23 septembre. On annule tout ce qui s'est passé là. Oh! Conférence de Guillaume Hébert, chercheur à l'IRIS. Ça, c'est ce qui fait presque la une de l'actualité. En page 3, c'est Laurence Gagné qui nous parle de ça. Le mercredi 16 septembre dernier, s'arrêtait le chercheur Guillaume Hébert au 10-12 pour présenter une conférence sur l'austérité organisée par le Comité aux affaires sociopolitiques de l'AGE. C'est présenté par l'IRIS, l'Institut de recherche et d'information socio-économique, qui a commission de produire des recherches sur les grands enjeux de l'heure. D'ailleurs, on dit qu'il y a un débat électoral qui va avoir lieu mercredi le 7 octobre prochain à 11h30 au 10-12 du pavillon Néré-Beauchemin. Yvon Boivin du Parti libéral, André Valois du PQ, du Bloc québécois, pardon, c'est ça, et Dominique Thérien du Parti conservateur seront présents. 70% des travaux sont effectués au campus de Drummondville qui va ouvrir ses portes en janvier 2016. Ça va être prêt d'ici novembre, comme l'échéancier le demandait. Les premiers étudiants à l'intégrer vont le faire le 7 janvier prochain, le campus de l'UQTR à Drummondville. On a un deuxième reportage de la part d'Olivier Bellemare. C'est déjà son dernier. Il en faisait que deux. C'était une mini-série. Ah, oh. Ouais, c'est ça. C'est comme tout. C'est ça, comme tout. Être parent, étudiant, un défi de taille. Donc, ça oblige à de nombreuses responsabilités, gestion des horaires, relations de couple, travail. Et lorsqu'un parent choisit de poursuivre ses études supérieures, la gestion de la vie quotidienne peut devenir un vrai casse-tête. Heureusement, il y a plusieurs services qui sont offerts à l'UQTR pour faciliter l'accès à ses parents. Donc, c'est entre autres, bon, on parle de la garderie, oui, le petit bac. Toujours en actualité, la hausse des frais universitaires pour les Français. Les études trois fois plus coûteuses pour les nouveaux arrivants. Une entrevue avec Alban, qui fait partie des nombreux étudiants français inscrits au premier cycle qui ont vu les frais universitaires tripler à la rentrée. Les frais d'inscription sont passés ainsi de 2200 à 6650 $ par année environ, mettant fin à l'entente franco-québécoise de 1978. Ça avait fait la une sur le campus l'an dernier. Stage humanitaire des étudiants au doctorat de premier cycle en chiropratique et médecine podiatrique. On voit entre autres une photo d'une joueuse de la lutte, Magali Brousseau-Arcan, en photo en coin d'article. L'été, c'est fait pour jouer et pour s'enrichir, nous dit cet article. Parmi les innombrables façons de faire, c'est par l'enrichissement personnel que les quelques 16 étudiants des programmes de chiropratique et de médecine podiatrique de l'UQTR ont décidé de passer leurs deux semaines de vacances en Bolivie à offrir leur main-d'œuvre gratuitement aux citoyens. Dans son éditorial, notre ami Sébastien F. Guertin nous parle de la culture du viol pour les nuls. Cet édito, dit-il, est une présentation de Rouge V et de l'EIF. Il y a eu une controverse avec des sketchs humoristiques sur le viol à l'École internationale de français cet été. Il nous dit, je cite, « Ouin, mais un peu couru après. Probablement que toute la notion de culture du viol tient dans cette phrase. Phrase qui semble anodine, mais qui est loin de l'être. Et votre serviteur va aujourd'hui tenter de vous montrer pourquoi. » Ah! Mais il va être ici demain pour nous en parler. Ici, en effet, tous les mercredis matin à Assemblage. Toujours en chronique, l'actualité démystifiée, c'est Marie-Odile Richard. Parlez-en en bien, parlez-en en mal, mais parlez-en qu'il disait. Je cite ici, je ne crois pas me tromper en affirmant que Uber le dit également depuis quelques semaines. Uber, l'application pour les taxis, si on veut. Mm-hmm. Oh, Uber. Qui remplace les taxis. Il n'y a pas de T, mais oui, Uber. Uber, départ de l'accent. Le scandale de sa venue à Montréal ne l'aura pas empêché de faire ses frais, lui donnant par la bande des dizaines de nouveaux clients qui n'avaient jamais entendu parler du service. Donc, on a le segment La recherche à l'UQTR, une rubrique récurrente dans le journal Études du glacier Saskatchewan en Alberta. Un retour sur la mission de Christophe Kinard et de ses étudiants. Le professeur chercheur au département des sciences de l'environnement de l'UQTR, Christophe Kinard ou Kinnard, ainsi que deux de ses étudiants à la maîtrise sont partis à la mi-août pendant 8 jours sur le champ de glace Columbia en Alberta. L'équipe cherche à savoir comment les changements climatiques pourraient affecter le glacier. Premier diplômé de grandes retrouvailles sur le campus trifluvien, les tout premiers diplômés de l'UQTR sont invités à prendre part à des retrouvailles le samedi 26 septembre sur le campus trifluvien. Ce sont 2000 diplômés des années 69 à 74, les 6 premières années d'existence de l'université qui pourront participer à cette fête. C'est une première journée de retrouvailles à l'UQTR qui souhaite en faire une tradition. Voilà pour les actualités. On va maintenant en société avec Tania. Eh bien oui, c'est Kevin Gaudreau qui est de retour avec le développement et la transmission de la confiance. Comme il a été dit, le bébé a besoin d'une figure suffisamment rassurante et affectueuse qui lui permettra en bas âge de développer une confiance en l'autre. Toutefois, les extrêmes provoquent souvent le même résultat. Si les parents est sans cesse collé sur l'enfant dans les premières années, il sera plus difficile d'encourager sa capacité à avoir confiance et à explorer l'environnement. Comme dans le scénario du laisser-aller où le bébé peut tout faire sans aucune limite, la question repose sur un juste dosage. C'est logique, hein? C'est logique. Normand Leclerc, qu'est-ce que l'être humain? Homo re religiosus, un faux moi. Et là, ça commence par avertissement. Je pense qu'il y a toujours eu et qu'il y aura toujours des tripeux de Dieu. Que faire avec ces gens? Rien. Il ne sert à rien d'essayer de raisonner avec un croyant. Plus vous discutez, plus ils s'obstinent. Que les gens croient ce qu'ils veulent, ils en ont le droit. Si ça peut les aider, tant mieux. Peut-être évolueront-ils d'enfants de Dieu à adultes solitaires et solidaires ou pas. C'est leur responsabilité. Le seul conseil que je peux leur donner pour conserver un semblant de sérénité, c'est de changer de chronique tout de suite. On peut dire ça de la religion et de la politique aussi. Oui, aussi. Hein, c'est des sujets qui sont de moins en moins discutables. C'est délicat. L'art de monter une mayonnaise et autres propos comestibles avec Christina Monfette-Fortin, Campbell's Soup Cans. Le mois de septembre tire à sa fin. La session est déjà bien entamée et la routine Estudiantine semble installée pour rester. La meilleure stratégie pour conserver cette belle lancée et atteindre ses objectifs, prendre des pauses loisirs. Même si plusieurs étudiants doivent gérer un horaire garni de 1000 obligations, il est essentiel de préserver des plages horaires pour soi. Prendre du temps pour dormir et se laver, c'est un bon début. Mais il faut aussi des activités pour s'aérer l'esprit, à mettre à votre agenda, bouger, manger, s'amuser, s'entraider et boire. Oui. C'est quoi la phrase qu'on dit tout le temps? Fais ce que tu aimes et fais-le souvent. Oui. C'est une belle phrase. C'est une très belle phrase. Mmh. Je me souviens au pouvoir citoyen, Jean-François Veilleux, Vive le cannabis libre. À l'automne 2012, j'avais écrit dans ses pages trois chroniques sur la marijuana, les bienfaits, la censure et la légalisation. Depuis, plusieurs États américains et quelques pays sud-américains comme l'Uruguay ont reconsidéré la chose en légalisant cette herbe encore très taboue au Canada. Pour mieux comprendre les enjeux, j'ai eu un entretien avec Hugo Saint-Onge, chef du blog Pot. Bloc Pot. Dans la section loisirs, eh bien, Alexandre Laramie-Zouari est de retour avec sa petite caricature et les jeux sont toujours dans cette belle petite page. Tout à fait. On passe en art et spectacle maintenant avec le spectacle de la rentrée de l'UQTR. Ça fait, de l'AGEQTR, faut pas mêler les deux. Ça fait la une du journal. 3500 spectateurs conquis. C'est le 9 septembre dernier qu'avait lieu le spectacle de la rentrée sur une scène extérieure avec Galaxy, Corias, les invités Carrie Mollette, Mister Valère, Lord Larry Adjust et finalement Loco Locas en fin de soirée qui ont défilé l'un après l'autre pour le plus grand plaisir des 3500 spectateurs réunis pour l'événement, dont un plus grand nombre de diplômés par rapport à l'an dernier. Ça a été quand même fulgurant comme chiffre. Le Off Festival de la poésie de Trois-Rivières, une poésie décoincée. En marge du Festival international de la poésie de Trois-Rivières, de jeunes auteurs québécois se mobilisent du 1er au 4 octobre 2015 pour la 9e édition du Off Festival de poésie. Leur mission est de décoincer la poésie. L'industrie du tatouage à Trois-Rivières, effervescence pour l'art corporel. Dans le domaine artistique professionnel, les portes de sortie sont parfois limitées, alors qu'une œuvre est constamment confrontée à la subjectivité d'un public critique. Promouvoir son travail reste une tâche ardue. Dans le cas de Gabriel Buisson, nouvellement diplômé du baccalauréat en arts visuels de l'UQTR, c'est vers l'industrie du tatouage qu'il s'est tourné pour gagner sa vie, tout en continuant de mettre sa créativité au profit des autres. Ensuite, en impro, le gagnant est, nous dit le titre de l'article. Le 14 septembre dernier se déroulait à la Chasse-Galerie la première soirée d'impro de la saison 2015-2016. Un match impro-limpiade, on a parlé à profusion avec Gabriel Béaud, donc on clôt le sujet tout de suite. On reste dans les articles. Exposition à la vieille prison. 9 artistes de la région font parler les murs de la prison. La vieille prison de Trois-Rivières, c'est une fois de plus révélée au public. Cet établissement carcéral désuet fascine à la fois par son architecture, par son emplacement dans la ville et surtout par les conditions exécrables dans lesquelles les détenus ont séjourné jusqu'en 1986. C'est dans ce lieu mythique que s'est déroulée l'exposition hybride entre la poésie et l'installation. Ça s'appelle « D'encre et d'acier, ainsi sois-tu ». Lise Barbeau et Denis Dion ont créé 7 œuvres visuelles, sonores et vidéographiques à partir d'autant de textes de poètes de la région. Et lors du vernissage du 4 septembre dernier, le public pouvait visiter les cellules et cachots de la prison qui étaient parés de surprenants atours. D'ailleurs, on va accueillir dans les prochaines semaines Marie-Christine Perra qui a écrit cet article-là comme chroniqueuse de vernissage. Ouh! Chroniqueuse, culturelle. Culturelle. En tout cas, c'est à signer comme contrat, mais ça devrait s'en venir dans les prochaines semaines. Toujours Marie-Christine qui nous parle du théâtre des gens de la place, mélodrame chrétien contre l'homophobie. Le coup d'envoi de la saison de théâtre trifluvienne fut donné par le théâtre des gens de la place. Le jeudi 17 septembre dernier, la troupe a offert le projet Laramie, un spectacle densément émotif au public de la Maison de la culture. Les planches de la salle Anaïs Allard-Rousseau sont hantées par un drame sordide présenté en théâtre vérité. Le metteur en scène Marc-André Daoud a peint un tableau sombre avec justesse et originalité. Maintenant, en chronique et en art et spectacle, on en a trois. Commençons avec Perception de lunatique par Louis-Philippe Quentin, nouveau rédacteur en chef, co-rédacteur en chef en passant oui. De son campus. On lui parlera dans deux semaines. Et voilà. Donc, la condensation crée des reflets de gouttes d'eau sur mon verre de café froid, dit-il. Quelques soupirs de shoegaze de slow dive et des plus obscurs Himalayas m'accompagnent lorsque je suis sur le point de plonger dans cette nouvelle chronique musicale. Mes pensées, elles, se mélangent et se comprennent. Cette musique qui vibre cette semaine au-dessus de ma tête en est une qui fait littéralement planer. C'est elle qui m'a donné l'idée de ce nouvel article, dit-il. Dans la chronique littéraire, Mange-Li M, Camille Durand-Plourde intitule son article « La voix ». Le titre de cette chronique offre une multitude d'interprétations, dit-elle, mais rassurez-vous, ce texte n'est pas dédié à la populaire télé-réalité « La voix ». mobilisant le dimanche soir une majorité de familles québécoises devant leur écran pour admirer à la fois l'animation spontanée de Charles Lafortune et les performances de cordes vocales. Elle nous parle du livre « Et au pire, on se mariera » par Sophie Bienvenue. On reste en chronique, il nous en reste une. C'est celle de Michel Robitaille, La Petite Ténébreuse. Ça s'appelle « Crime contre l'humanité » et « Verdict au procès de Nuremberg ». Le 30 septembre 46, pardon, les yeux du monde étaient tournés vers Nuremberg, une ville du sud de l'Allemagne. Le verdict du procès des criminels nazis, arrêtés 9 mois plus tôt, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, allait être donné. Les 22 criminels seront accusés de complot, de crimes contre la paix et de crimes de guerre. Pour la première fois de l'histoire, des charges de crimes contre l'humanité seront aussi retenues. Cette notion est nouvelle et ouvrira la porte à un futur tribunal pénal international. Intéressant. Comme toujours, et elle nous parle encore de nazis, c'est ce qu'elle fait souvent. Souvent. Michel. Le Festival international de musique universelle de Trois-Rivières, le FIMU, c'est sous le thème Last Call que s'est déroulée la 20e édition du Festival international de musique universelle de Trois-Rivières le 19 septembre dernier à l'atelier Silex. Last Call signifie ici la dernière édition du FIMU sous sa forme actuelle, avec des artistes de renom international qui se sont greffés aux artistes québécois et régionaux. Les prestations différentes, mais tout de même liées, auront laissé le public étonné. Sur les traces de la scène émergente en Mauricie, c'est la tournée Panache depuis le 18 août dernier qui est lancée la vente de billets pour les spectacles de la tournée Panache 2 points sur les traces de la scène émergente en Mauricie qui auront lieu les 25, 26 et 27 novembre prochains, respectivement à la Maison de la Culture de Trois-Rivières, au complexe culturel Félix Leclerc de la Tuque et au Centre des Arts de Shawinigan et l'une des scènes du Festival de l'édition 2016. Je vais pas mettre les virgules dans cet article-là. Vernissage de Benoît Laverdière au Musée des Ursulines, mettre en lumière la bêtise humaine. Dans le cadre des activités avant-goût du 31e Festival international de la poésie de Trois-Rivières, le Musée des Ursulines inaugurait en ces lieux l'exposition « 20 ans à illustrer le saugrenu », point d'exclamation et point d'interrogation. Faut dire sûrement genre 20 ans à illustrer le saugrenu... C'est peut-être demain qu'il faut le dire. De Benoît Laverdière, le 11 septembre dernier, devant un public curieux, des illustrations de l'estrien de naissance. La section à spectacle est vraiment plus grande que les deux autres. Exposition au Zénob. Stéphane Bélanger a changé sa photo de couverture. J'adore le titre parce que c'est une référence à Facebook. Mmh. Le café-bar Zénob accueille jusqu'au 27 septembre l'exposition « Mettre à jour son profil ». La quarantaine de photographies signées Stéphane Bélanger propose des portraits en noir et blanc pour la plupart amis ou connaissances du photographe. Avide de nouveaux défis et curieux de nature, l'artiste libre des clichés parfois amusants mais toujours délicats. On parle d'exposition maintenant à la Galerie R3, ici même sur le campus, 8 artistes de New York. Jusqu'au 2 octobre prochain, à la Galerie R3 de l'UQTR, l'exposition New York Inc. présente le travail de 8 artistes qui vivent et travaillent à New York. Ceux-ci expriment une forte connexion avec le paysage culturel et historique de cette ville. En musique maintenant, Sonom Arte et MJ's au Café Bar Zénob, de la musique pure et simple. Alors que l'amphithéâtre Cogeco laissait rayonner pour une dernière fois cet été sa scène par la venue de Ginette Renault, le Zénob accueillait 2 formations au son reggae et hip-hop le samedi soir 12 septembre dernier. Les formations Sonom Arte et MJ's ont offert, ou MJS, j'ai aucune idée comment le prononcer, ont offert leurs meilleures prestations devant un public bien prêt à les recevoir. Et finalement, en art, la 18e édition du défi théâtral Domino, un défi toujours gagnant. Myriam Lortie, notre ancienne rédactrice en chef, qui était avec nous il y a deux semaines, était de la distribution. Le 20 septembre dernier, donc, le Café Bar Zénob accueillait, comme à son habitude, le défi théâtral Domino. Désormais, un événement culturel implanté à Trois-Rivières, le défi présentait sa 18e édition qui, encore une fois, a su montrer le talent des artistes de la scène régionaux, les artistes régionaux. Oh, voilà. Quand même. Et il nous reste seulement les sports avec Tania. Ben oui, du côté des sports, les nouvelles recrues en cheerleading sont dévoilées lundi 14 et mercredi 16 septembre avaient lieu les sélections de l'équipe de cheerleading universitaire. Le but était pour les 4 entraîneurs de l'équipe de dénicher les nouvelles perles rares qui pourraient aider nos patriotes à offrir d'encore plus belles performances et de peut-être accéder à la victoire cette année. Le premier entraînement de cette nouvelle équipe a eu lieu le dimanche 20 septembre et les nouveaux capitaines seront nommés durant la semaine. Roller Derby, une équipe féminine de Roller Derby à Trois-Rivières. Une équipe féminine de Roller Derby a vu le jour à Trois-Rivières, souvent méconnue. Le Roller Derby est un sport de contact de plus en plus populaire au Québec. L'équipe de Trois-Rivières est actuellement composée de 7 personnes et cherche vivement de nouvelles recrues. Les sélections auront d'ailleurs lieu le 30 septembre prochain. Ça, c'est vraiment cool. Le Roller Derby, c'est pas juste dans les films que c'est cool. Non, mais ça a l'air à... sur patin, hein, puis ouais. Les gens qui se foncent dedans. C'est ça, ils se foncent dedans. Ça a l'air à ramasser quand même. C'est quand même cool. En tout cas, à regarder, ça a l'air cool. Ouais, tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Du côté du badminton, camp d'entraînement, c'était la décision à prendre. C'est le titre de l'article de Louis-Philippe Carbonneau. L'équipe des Patriotes a eu la vie dure l'année dernière. Il a fallu attendre au dernier tournoi de la saison avant que les représentants de l'Université du Québec à Trois-Rivières remportent une seule partie. L'entraîneuse de l'équipe, Sabrina Lévesque-Bouchard, a donc pris une décision importante et juste pour la prochaine saison. Son équipe n'évoluera pas en individuel et participera uniquement au tournoi en mixte en 2015-2016. Gilbert s'illustre à Sherbrooke, on parle de cross-country. C'était l'ouverture de la saison extérieure en cross-country le samedi 19 septembre dernier à l'occasion de l'invitation Vert et Or à Sherbrooke. Il s'agissait de la première compétition obligatoire de la saison en vue des championnats provinciaux à la fin octobre. Ce sont les jeunes qui en ont profité pour se signaler. La recrue Nicolas Gilbert a obtenu le meilleur résultat de la journée chez les Patriotes avec un chrono de 28,69 au 8 km, ce qui était bon pour le 13e rang chez les hommes. Au soccer, les gars toujours parfaits après 4 matchs qui arrêtera la formation masculine des Patriotes de l'UQTR. Les hommes de l'entraîneur-chef Roch Goyette semblent être en mission, eux qui sont toujours invaincus en 4 parties cette saison. Vous pouvez lire l'article d'Étienne Dubois. Et au hockey, tout simplement, calendrier préparatoire, toujours invaincu en pré-saison. Après 2 rencontres préparatoires, les Patriotes de l'UQTR n'ont toujours pas subi la défaite. Il reste néanmoins quelques aspects à peaufiner d'ici le début de la saison qui aura lieu le 9 septembre prochain face aux Varsity Blues de l'Université de Toronto en Ontario. Voilà pour les sports et voilà pour le Zone Campus en général, n'est-ce pas? Oui. Oui. Donc, le Zone Campus qui est disponible, le volume 11, numéro 2, jusqu'au 5 octobre. Ça va être à partir de plus tard aujourd'hui. C'est en fin d'avant-midi, d'habitude, que le journal sort et qu'on commence à le distribuer. Comme on l'a dit tantôt, Myriam Lortie était rédactrice en chef jusqu'à ce numéro-là. Elle a fait le numéro 2 au complet. Elle était avec nous la semaine passée, il y a 2 semaines, encore une fois, pour parler du numéro 1. Nous, on parle du numéro 2 et le numéro 3 va être fait par de nouveaux rédacteurs en chef. On vous les présentera dans la prochaine chronique. C'est Alexandra Lemire et Louis-Philippe Quentin. On va les rencontrer tous ensemble dans 2 semaines pour parler du numéro 3. Mais pour l'instant, vous pouvez aller voir le site sur zonecampus.ca. Nouveau site, d'ailleurs, pour le Zone Campus. Allez-y, zonecampus.ca. Tout neuf, tout frais, tout jaune. Hein? Et le journal aussi est jaune. Retrouvez-le un petit peu partout sur le campus de l'UQTR. Merci à Trois-Rivières. Voilà. C'est tout pour Assemblage requis pour aujourd'hui. Hey, c'est déjà tout. Déjà terminé. Ah, merci d'avoir été là. Merci à Gabriel Béhoud. Ben oui. Merci à Dani qui a fait intrusion dans notre émission. Exactement. Justement, écoutez Dani tantôt au Dîner de con. À partir de 11h, ensuite à 15h, je serai de retour pour une nouvelle saison des Palmarès C'est Fou. C'est entre 15h et 18h. À 19h, c'est Réanimation, l'émission de métal et d'horreur. Cifou.ca pour la programmation complète. AssemblageRequis.com pour les notes de l'émission, les balado-diffusions. Demain, nous serons mercredi. Et mercredi à l'émission, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Sébastien F. Gertin à 8h. Oui, pour, déjà. Son bulletin Gertin. Et on aura aussi Frédéric Bernard et Google Globe. À 8h30, pardon. Donc ça, c'est demain, mercredi, à Assemblage requis entre 6h30 et 9h30. Merci beaucoup, Tania Baudin. Merci, Mathieu Plante. Ce fut un plaisir, comme toujours. Comme toujours, comme à chaque matin. Maintenant, c'est l'heure du café. Oui, allons-y tous ensemble. À demain. À demain.